Axwell et Ingrosso pour terminer la Playmix sur Fun Radio. On va se retrouver demain pour la dernière de la semaine sur Fun Radio, la Playmix 19h-20h. Vous avez envie que vos sons dancefloor préférés passent sur Fun Radio, il suffit de m'envoyer un petit mail. Comme d'habitude, l'adresse ne change pas, sami@funradio.be. Ils sont là, presque complets, bon dans soir, le studio. L'équipe de Mike, comment ça va? Ça va bien, oui, il y a Coralie qui est en train de courir à droite à gauche, comme d'habitude. Tout à l'heure, j'ai vu plein de boissons énergisantes. Qui c'est qui les consomme? Bon, ben on va avouer. En fait, moi, je suis super accro à une boisson énergisante que j'adore. Et j'ai une fois fait goûter le truc à Mike. Et depuis, bim. Ah, ben là, c'est toute l'équipe du soir. C'est matin, midi, soir. On ne dort plus. Ouais, à mort. Qu'est-ce qu'il y a prévu ce soir dans l'émission? Ce soir, mon petit Samy, on vous a prévu une émission au top. Pas ce soir. Ce soir, on fait comme d'habitude, je vous rassure. Mais voilà, ça va être bien ce soir. Il y a du Lorenza full bordel. Il y a. Il y a du Mamie Simone, du canular, tout ça. Enfin voilà, on est tranquille. Ah bah on est parti, Mike, 20h-23h sur Fun Radio. Encore une longue journée qui s'achève. Vous pensiez rentrer tranquillement chez vous? Vous pensiez passer une soirée calme et paisible? Yeah! Et si ce soir, tout changeait? Et si subitement, votre existence tout entière prenait un autre sens? Change your life. Et si vous recommenciez à vivre, à rigoler, à vous exprimer, vous amuser, vous défouler? Et si dès maintenant, l'avenir vous souriait? Fini les soirées galères. Aujourd'hui, un vent de liberté souffle sur la Belgique. A space of freedom and no judgment. Freedom and no judgment. Vous ne serez plus jamais seul. It's a family. L'heure est venue de l'ouvrir. 02 851 4x0. Libertad. Mike. Le soir sur Fun Radio. Fun Radio. Allez, on est là, bonsoir tout le monde, bienvenue sur Fun Radio, 20h01, c'est parti, jusqu'à 23h, on est là pendant 3h, la dernière de la semaine aujourd'hui, dernière avant le week-end déjà. Oh, oh là là. C'est passé vite. Autant vous dire que ce soir on se lâche les amis, vous pouvez nous appeler au 02 851 4x0. On vous a prévu une grosse émission avec du Lorenza full bordel tout à l'heure. Ouais. Il y aura du Radio Simone, il y aura tout à l'heure plein d'infos à vous donner, j'aurai une info foot notamment. On parlera d'un joueur de foot qui a été condamné. Auparavant, je vais saluer mon équipe et on va commencer par celle qui se fait appeler la princesse de la bande FM. D'autres l'appellent l'enfant chéri de Fun Radio et certains l'appellent l'autre blondasse là avec Mike. Bonsoir Lorenza. Salut. Ça va bien? Ouais, au top, au top. Je suis folle fifolle pour la dernière de la semaine. Prête à dégainer tes moments de gênance. Pow, à tout pow. Moment, Lorenza peut nous gêner, c'est sa grande particularité dans l'émission et c'est pour ça qu'on l'aime. Bonsoir Coralie. Bonsoir. Tu décroches au standard ce soir le numéro pour appeler s'il te plaît. 02 851 4x0. On vous attend la famille. Et avant de commencer cette émission, ma petite Lorenza, ouais. J'aimerais saluer un exploit. Nous sommes le 6 septembre. Il y a quoi le 6 septembre? Et ça faisait maintenant 6 mois qu'il s'entraînait pour y arriver. Comme quoi, à force de persévérance, on finit toujours par atteindre ses rêves. Il a quand même mis 4h17, mais il y est arrivé. Ouais. Ça y est, Gilbert Montagnier a enfin fini d'accrocher un tableau chez lui. À l'envers. Mais ça tient au mur. Bravo à lui. Aya Nakamura, c'est ce qu'on va écouter sur Fun Radio dans un instant. Dja Dja, il y aura Post Malone aussi. Les SMS, c'est ouvert au 3044. Si vous voulez demander un son, allez-y, la famille, on vous attend. L'Algérie, tout à l'heure. Vas-y, prends ma main, je t'emmène. Miami, amor. Et bah là on va récupérer notre premier auditeur. Auditrice, j'ai pas mes feuilles, Coralie. Je vais te les donner, c'est Gauthier. Salut Gauthier. Salut Mike. Salut. Bah oui, c'est là. Hello. Ça va Gauthier? Bien toi? Bah ouais, tranquille, bah, bienvenue dans l'émission mon Gauthier. T'es à Bruxelles, merci, c'est ça? Merci beaucoup. S'il te plaît. T'es à Bruxelles, c'est ça? Non, pas du tout, j'habite Chastres. Ah d'accord, très bien. Et tu fais quoi dans la vie Gauthier? Je travaille dans le bâtiment, je travaille chez Thomas et Piron. Ok, bah big up à tous ceux qui travaillent là-bas. T'as bossé aujourd'hui? J'ai bossé, ouais. Bon, comme tous les bien jours. Passé, rien à signaler. Rien à signaler, non. Tu voulais passer une dédicace, toi? Ouais. Bah, bonjour à tous ceux qui me reconnaissent et voilà. Honnêtement, voilà, surtout à mes bons potes Victor, voilà, et à mon petit russe préféré. Voilà. Bah, c'est passé, mon Gauthier. Tu nous écoutes toute la soirée? Et je vous écoute toute la soirée. Tu déchires. Merci, mon pote. Je te fais un big up et je te repasse Coralie au standard, ok? Un grand merci. Ne raccroche pas, Gauthier. Salut, à bientôt. Gauthier, ciao. À bientôt, à bientôt. Vous débarquez 02851 4x0. On est là, la famille. Allô, Lise? Oui, allô? Ça va, Lise? Ça va, ça va. Bienvenue dans l'émission. Eh, hey, quelle belle voix! Je vais pas y aller par quatre chemins, t'as une belle voix, mais t'es pas lue. C'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Tu veux nous en parler dans quelques instants, t'en as marre Des poils. Des machos qui, qui te forcent à t'épiler tout le temps, c'est ça? Et qui forcent les filles à s'épiler tout le temps. T'as un coup de voilà, gueule contre exactement. Ça. Ça eh ben, on voilà, en parle ouais. dans quelques instants, Lise. Ne bouge pas, après Aya Nakamura. On est sur Fun Radio, bienvenue tout le monde. J'entends des bails à trois sur moi. À ce qui paraît, je te cours après. Mais ça va pas, mais t'es taré. Mais comment ça? Demande des types. Tu croyais quoi? Qu'on se verrait plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Tu penses à moi, je pense à faire de l'argent. J'suis pas ta daronne, j'te fais pas la morale. Tu parles sur moi, y'a air. Crache encore, y'a air. Tu voulais m'avoir, tu savais pas comment faire. Tu jouais un rôle, tu finiras aux enfers. Dans son Nakamura, je l'ai couché. Le jour où on se croise, faut pas tout faire. Tu jouais le grand frère pour me salir. Tu cherches des problèmes sans faire exprès. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes, c'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes, c'est pas comme ça qu'on fait les choses. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja, j'suis pas ta cata, dja dja. Non, y'a pas moyen, dja dja. Ouais, en katana, baby, tu dettes ça. On katana baby, on katana baby, tu dettes ça. On katana baby, oh dja dja, oh dja dja. Allez, passez une bonne soirée la famille. Oh dja dja. On est sur Fun Radio jusqu'à 23h. Êtes-vous prêt à retourner le pays? Êtes-vous prêt à foutre le bordel? 02 851 4x0. Mike jusqu'à 23h sur Fun Radio. Et on vous attend, vous débarquez, le standard vous le connaissez, 02 851 4x0. SMS, ça se passe au 30 44. Attention parce que ce soir on sélectionnera à la dernière personne pour chez nous, en tout cas pour le festival Lollapalooza. Oh, j'aime trop comment tu le dis maintenant, je suis contente. Bon, ça y est, t'as vu. C'était dur au début de semaine et ça y est, faudrait faire une deuxième semaine d'opération d'ailleurs. Faudrait décaler Lollapalooza. Ouais, comme ça on pourrait bien. Je suis quand même fier, j'arrive à le dire. D'ailleurs, on n'a pas une présélection pour aujourd'hui, mais on a deux. Ah, très bien, bah, vous vous inscrivez dès maintenant. Vous envoyez quoi, ma petite Lorenza? Festival au 6322 pour 1€ le message. On vous offre, attention, donc le transport, l'hôtel, évidemment les places, donc c'est pour deux personnes, vous allez avec la personne de votre choix, vous éclatez, voir David Guetta, Armin Van Buuren, Jonas Blue, Dua Lipa, enfin il y a du gros. Les gros DJ Fun Radio seront là, les amis, et on vous y envoie, on vous gère tout. La totale a gagné en envoyant Festival maintenant 63-22 et on va faire le premier sélectionné dans quelques instants. Attention, le tirage au sort, c'est demain chez Samy et Chloé entre 16h et 19h. J'ai une info foot et conduite en voiture, ma petite Lorenza. Vas-y, dis-moi. C'est le pas défenseur des domaines, de l'Olympique de Marseille, Souleymane Diawara, je sais pas, tu connais pas. Oh, non, je connais rien. C'est un défenseur de l'OM, voilà. Ouais. Il vient d'être condamné à payer une amende de 400 000 euros pour avoir conduit sans permis. C'est pas bien, je le rappelle, c'est ultra dangereux de conduire sans permis, il faut pas le faire. Et en plus, si t'as pas de permis, on rappelle, t'as pas d'assurance, et donc pas d'assurance, qu'il t'arrive un truc ou que tu blesses quelqu'un, bah c'est toi qui payes. C'est toi qui payes toute ta vie. Donc non, ne le faites pas. Moi, honnêtement, franchement, je sais pas toi Lorenza, mais si un jour j'ai plus de permis, j'arrête de conduire direct, quoi. Ouais. Je demanderai à ma meuf. J'ai pas fini ma phrase. Je demanderai à ma meuf de m'appeler un taxi. Ça va, je suis pas suicidaire non plus, je vais pas. Tiesto, Post Malone dans un instant et on récupère Lise qui est toujours là. Lise. Oui, oui. Toujours à Liège, toujours 27 ans, Lise. Oui, voilà. Et toujours poilu. Voilà, oui. Mais tu assumes parfaitement. Alors vas-y, raconte-moi, explique-moi. Donc bah voilà, bah je suis plus poilue que mon mec quoi. Et, ah ouais, carrément. Et voilà, je suis. Ouais ouais, je bah voilà sous et les par bras, choix. Sur les jambes. Non pas parfois, voilà, j'estime que c'est naturel et que. Oui c'est ça, c'est un choix de ta part de ne pas t'épiler et de t'assumer comme ça. Ah voilà, voilà ouais, voilà. On dirait un reportage et de C'est mon choix. Je suis poilue et j'assume. Mais t'es poilue jusqu'à quel point? Bah poilue quoi. Voilà. Parce que moi je considère qu'une fille, je considère qu'une fille est très poilue quand elle arrive à faire des couettes au niveau de sa foufoune. C'est là c'est un peu beaucoup. Non mais comparé à un garçon par exemple. Ouais ou même sur c'est où? C'est sur tes bras? C'est partout ou c'est à certains endroits en particulier? Surtout les jambes et sous les bras, oui. Ah, okay. Et oui, au niveau du vagin, du pubis. Mais, voilà. Voilà, exactement. Après, tu sais, on peut réussir en étant poilu. Hein. Regarde, Suzanne Boyle. Ouais, elle a bien réussi. Tiens, je reçois exactement, un petit voilà. Moustaki, c'est passé crème. Hein. Et toi, tu t'en fous, ça te gêne pas? Tu vis ça au naturel, quoi. Ça te pose aucun problème. Voilà, j'ai pas envie de rentrer dans les stéréotypes ou dans voilà. Mais t'as bien raison, ma chérie. Si tu veux tout savoir, je sais pas si t'as déjà regardé les pubs en général pour les rasoirs et tout, tu vois. Elles ont jamais de poils sur les jambes. Ouais, c'est vrai, ouais. Et depuis peu, c'est depuis 2018, depuis l'été, il y a une marque de rasoir qui expose enfin la pilosité des femmes. Donc on les voit avec plein de poils sous les bras, des poils sur les jambes, et enfin on montre un peu la vérité à tout le monde. Des femmes poilues, bah oui, c'est. Et donc attends, t'es sûr que tu t'es pas trompé avec la pub du bonhomme 7LM? Merde. T'as fait la petite boulette, je pense. Non, mais vraiment, donc c'est pour te dire que du coup ça c'est en train d'évoluer. Donc ne t'en fais pas. Si toi tu assumes, c'est déjà un énorme, c'est un pas. C'est un pas. Bah oui, t'assumes. T'as bien raison. T'as bien raison d'être complètement décomplexé à ce niveau-là. Hein. Parce que c'est vachement dur quand même. Quand t'as un complexe d'arriver ensuite à l'assumer. Enfin, je dis ça par exemple. Bon, j'ai un ami. C'est un ami. Hein, bon, il a un petit zizi. C'est un ami, hein, je dis. Ouais, non, il m'a dit qu'il complexait vachement. Et voilà, et mon ami, il dit que ça va. Il a commandé une super pompe à pénis d'ailleurs. Oh, bon, bref. Non, c'est pour un ami. N'expose pas ta vie privée comme ça, s'il te plaît. Et mon ami espère que les délais de livraison ne seront pas trop. Voilà. Bah, écoute, Lise, si t'arrives à t'assumer comme ça, bah, bravo à toi. Et, ouais, et ton mec, il t'aime comme ça de toute façon. Ouais. De toute façon, oui, voilà. Donc, et puis en plus, la nouvelle tendance, on peut être les poils. Là, ouais, en rose et tout ça. Tu l'as déjà testé? T'as déjà fait ça? Non, pas encore. Ouais, je laisse naturel, moi. Ah bah, si jamais tu testes, nous, on veut des photos. Hein. Bah, grave, tu nous les envoies, on poste ça sur le Facebook. Ok, ma chérie? Et je crois qu'elle voulait un peu se lâcher, non? Elle voulait faire. Ah, tu voulais faire un défoulroom? Bah, voilà, ouais. Ah oui, excuse-moi, voilà, je suis passé trop vite à la suite. Bon, bah, on va se faire un défoulroom. Le défoulroom, je vous rappelle le principe, on est les seuls à le faire ça sur toute la bande FM. On vous offre 30 secondes de liberté où vous pouvez dire tout ce que vous voulez pour afficher ce qui vous a embêté tout au long de la journée. Et donc, toi, tu veux afficher ces gens qui font la société qui fait pression sur toi pour que tu t'épiles, c'est ça? Exactement. Attention, on Allez, y va. Vas-y, lâche-toi. 3, 2, 1, fais-toi plaisir. Donc voilà, bah, moi je pense qu'il faut vraiment pas suivre tous les magazines, etc. Moi j'assume totalement mes poils et c'est naturel, absolument. Au moins je ne dépense pas mes sous dans des crèmes épilatoires, dans des rasoirs, etc. Et j'assume totalement et j'ai quand même un mec, même si j'ai des poils, et au moins c'est tout à fait naturel. Donc je vois pas du tout pourquoi il y a des gros cons qui se foutent encore des poils, qui se foutent de mes poils, parce que j'assume totalement et j'ai pas honte de me mettre en bikini. Et même si ça dépasse, eh ben je vous emmerde. Ça me regarde. Et voilà. Est-ce qu'on peut l'applaudir quand même? T'as bien raison, ma chérie. Bravo, Lise. Bravo, Lise. Franchement, vous allez vous calmer, s'il vous plaît. Continue d'assumer, Lise. Je te fais des gros bisous, d'accord? Gros bisous, madame la famille. Mon conseil pour toi, quand même, Lise, pendant la période de chasse, te balade pas dans les bois. Question de sûreté, quand même, faut pas déconner. Bisous, Lise. So she gon' call her friends, now that's a plan. I just saw the sushi from Japan. Now your bitch wanna kick it, Jackie Chan. Drop top, how we rollin', down on callin' South Beach, yeah. Look like Kelly rollin', this might be my destiny, yeah. She want me to eat it, I guess dinner's on me. I got you, know I got the sauce like a fuckin' recipe. She just wanna do it. This money in my hand, I know you. I'ma give it to her when she dance, dance, dance. Ay, she gon' catch a Uber out the Calabasas. She said she too young, don't want no man. So she gon' gon' call her friends, now that's a plan. I just saw the sushi from Japan. Now your bitch wanna kick it, Jackie Chan. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. I just saw the sushi from Japan. Now your bitch wanna kick it, Jackie Chan. Jackie Chan. I think you got the wrong impression about me, back. About me, babe. Just cause they heard what hood I'm from, they think I'm crazy. Think I'm crazy. Okay, well, maybe just a little crazy. Just a little. Cause I admit I'm crazy about that lady, yeah. Finger to the world, let's fuck you, baby. I've been slaving. Turn the pussy cause I'm running out of patience. No more waiting, no, no. Bouncing like a yo yo. Living life on fast forward. Slow-mo, yeah, yeah. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. I just saw the sushi from Japan. Now your bitch wanna kick it, Jackie Chan. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. I just saw the sushi from Japan. Kick it, Jackie Chan. Now y'all just wanna kick it, Jackie Chan. So alive, ayy. She don't wanna think, she don't wanna be no wife. She just wanna stay up late, she just wanna sniff the white. Can't tell her nothing, no, can't tell her nothing, no. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. I just saw the sushi from Japan. Now your bitch wanna kick it, Jackie Chan. Bonne soirée sur Fun. Et si vous disiez stop à la déprime? Stop. Mike, le soir, sur Fun Radio. Y'a Lorenza qui est là. Ouais. Coralie également, qui vous répond 02851 4x0. Non, non, on est passé à côté. On a filé, t'as vu, on ne revient pas dessus. Merci les gars, pas dessus, trop gentil. On va écouter l'Algérino dans quelques instants, international. S'il y a des sons qui vous feraient plaisir ce soir, vous pouvez nous en faire la demande. On reçoit tous les messages que vous nous envoyez au 3044. On big up tous ceux déjà connectés aussi sur le Facebook Mike sur Fun Radio, les amis. Et puis allez cliquer sur like, ça fait toujours plaisir. Ouais, à fond. TMTC. Bon, avant de retrouver la vieille, j'ai des nouvelles. Avant de retrouver ma mission, Simone, il y a une étude, oui, qui vient de sortir. Étude qui nous montre, Lorenza, que les gens qui sont 100% végétariens risquent une atrophie du cerveau parce qu'ils n'ont pas assez de vitamine B12. Okay. Ah ouais. Donc les experts conseillent et suggèrent aux végétariens de temps en temps manger du poisson ou de la viande. Ouais, ben bah, non. C'est chaud, ouais, c'est chaud. C'est ça chaud. Doit être dur pour un végétarien, tu vois, de se dire faut manger de la viande, faut manger du poisson. C'est-à-dire qu'un végétarien qui mange du poisson, c'est un peu comme un pacifiste qui de temps en temps mettrait des taquets à des enfants, quoi, tu vois, c'est. On touche pas aux enfants, allez. On l'écoute dans un instant, l'Algérino. Tu vas voir, elle va pas être contente. Bonsoir, mamie. Stop. Qu'est-ce qu'il y a, mamie Simone? Je dis stop à la déprime. Bah écoutez, il me suffit pour dire stop à la déprime, regardez Lorenza. Non, elle me déteste, je sais. Oh mon dieu, qu'elle est moche. Oh là là là là là là là. Je dirais qu'elle est toujours mieux lotie que toi, Lorenza. Je te taquine. Mais Lorenza, je la taquine, mais elle ose pas me rentrer dedans. Non, vas-y, parce que je suis trop gentille. Défonce-moi la gueule, je suis un bâtard. Je vais te péter ta gueule, ok. Voilà. C'était gênant. Allez, mamie Simone. Bonsoir. Bonsoir. Oh, mamie. Voilà. Vous allez sociabiliser, mamie Simone, vous allez vous trouver des nouveaux potes. Bah écoutez, je n'ai pas le choix puisque c'est pas avec vous que ça va arriver. Donc je vais appeler chez des gens, je vais essayer de m'incruster, on va voir. Voilà, bah dès que Coralie fera le numéro de téléphone. Oui, bah on a le temps, à mon avis, de faire la sieste, prendre le café, fou, le petit déjeuner, le repas du soir et le week-end. Ça, oui, ça, oh, médisante. Mmh. Allô? Allô? Oui. Comment vas-tu? C'est qui? Ah, tu me reconnais pas? Non. Bah devine, allez, quand même. C'est Alain. C'est la femme à Alain. Ah, non. La femme à Alain, ça te va bien. Comment tu vas? Ça va et toi? Alors, quoi de neuf? Rien de spécial, rien. Et toi? Eh ben écoute, la routine comme d'habitude, hein. Oh, merde, je sais pas mettre le son. Comment on met le son là-dessus? Faut que je vais entendre ça à Jean-Claude. Ah, Jean-Claude, comment il va, Jean-Claude? Il va bien. Attends, je te le passe, attends. Oui. Ah, attends, il va essayer de mettre le son. Tu dois mettre un micro, il n'y a pas un micro quelque part? Oui, je sais. Mais je vois pas sans mes lunettes. Et sinon, qu'est-ce que t'as eu? Mais des polypes sur les cordes vocales. C'est comme des petites tumeurs, si tu veux. Ah ouais. Et on les a enlevés? Oui, il a fallu me les enlever et tout. Mais bon, ça a changé ma voix parce qu'il y en a encore un peu dessus. Ah ouais, et quoi? Et après, on va revenir? Oula, je t'entends très mal, par contre, du coup, là. Ah, c'est parce qu'il a mis le micro. Voilà, je l'enlève. Voilà. Ah, c'est gentil. Oui. Ah. Bah écoute, ils vont essayer de les enlever, mais c'est compliqué. Dis-moi, je t'appelais pas pour ça. Ouais. Jean-Claude m'entend toujours? Non. J'avais un petit souci là. J'aurais voulu savoir, est-ce qu'on aurait pu se voir dans le week-end que tous les deux? Pourquoi faire? Mais c'est quoi ça? quoi? J'aurais voulu parler de choses un petit peu délicates. Comme quoi? Sexuelles. Non, mais c'est sérieux, hein? Ouais, mais non, allez, arrête. Dis, c'est quoi cinéma? Bon, écoute, on va faire plus simple. Est-ce que je peux passer à la maison? Non, quand même. Non, je suis pas là ce week-end. Bah demain, est-ce que t'es là? Non, bah non, je travaille. Bon bah, je peux venir maintenant s'il faut. Non, de où tu viens? Bah de chez moi. Non, sérieusement, dis, est-ce que je peux passer ou pas? Non, je crois qu'il y a un problème quelque part. Ou c'est une blague ou c'est, je sais pas. Mais non, mais je te dis, je viens à la maison, tu verras au moins. Oh non, sûrement pas. Allez, merci beaucoup. Hein. Mais quoi? Mais tu raccroches? Oui. Allez, merci. Hein. Mais je peux venir ou pas? Non. Non, je crois qu'elle veut pas de vous. Elle m'a raccroché au nez, comme ça. C'est scandaleux. Oui, ça m'a énervé. Je ne sais pas si je serai là. On vous retrouve vers la fin d'émission, Mamie Simone, pour Radio Simone. Et généralement, le jeudi Radio Simone, ça part en vrille totale. Une petite dominicana, elle kiffe la Zika Santana. Mademoiselle, faut pas stresser. Je pourrais changer d'avis, je suis refait. La classe internationale, Aizine et Zine Zidane. Je vais pas tarder à me barrer. De toute façon, il fait plus chaud à Alger. Appel universal, un contrat du champagne. On va remettre la banane. Cette année on sort des tubes en pagaille. Liasse de billets violets, mais le plein essence n'oublie pas les feuilles à rouler. Tu sais pas qui je suis, Jackam Shazam. Et bébé, je vais te faire rêver comme jamais. J'ai la classe en money, stop the money. Miami amor, je vais te sortir du barrio. Je vais te marier, Miami amor. Vas-y, prends ma mano, je t'emmène. Amor, yeah. La la la la la la la la la la la la. La seule a vient d'Espagne, le bolide vient d'Allemagne. Cette année je me suis gavé. Je suis trop loin d'Al-Shaitan. Je suis dans le cockpit, je plane. Toi tu t'en mets l'emmené. De toute façon mon ami t'a coulé. La mise me fait du charme. J'préfère mon compte épargne. Un barrage des gendarmes. On va leur faire la guerre comme Pablo. Pièce de billets violets, mais le plein d'essence n'oublie pas les feuilles à rouler. Tu sais pas qui je suis, Jackam Shazam. Et bébé je vais te faire rêver comme jamais. J'ai la classe en money, stop the money. Miami amor, j'vais te sortir du barrio. J'vais te marier, Miami amor. Vas-y prends ma mano, je t'emmène. Miami amor, yeah. La la la la la, la la la la. Sortir du barrio, je vais te marier, Miami amor. Vas-y, prends ma mano, je t'emmène, Miami amor. Yeah. La la la la la la la la la la la la la la la. Et bonne soirée à la famille. Merci d'avoir choisi Fun Radio. prudence sur la route si vous nous écoutez. Il est 20h25, on est là en direct dans quelques instants. Il y aura du Sand and Floor avec Clean Bandit, ça s'est calé pour la suite. Branchez-vous pour nous voir en Funvision, funradio.be, l'application disponible. Et avant de s'écouter ça, ma petite Lorenza, j'ai une info de fou. Dis-moi. Qui va parler à toutes les mamans qui nous écoutent ce matin. Oh. En Sibérie, mm-hmm. une femme vient de donner naissance à un bébé, écoute bien, de 7,75 kg. Sérieux? C'est fou, hein. Normalement les bébés c'est quoi? C'est 3-4 kilos, pas plus Lorenza. Ouais, et déjà quand c'est un peu plus de 4 kilos, c'est déjà un gros bébé. D'ailleurs big up à mon frère, parce que c'est un gros bébé. 7,75 kg, je fais pas le malin face à lui le bébé, il est balèze. Il pète ta gueule. Il est tellement gros, c'est la mère qui est sortie du bébé. Dans moins de 3 minutes, c'est le retour des délires. Jusqu'à 23h, Mike sur Fun Radio. En Belgique, à présent, la Chambre a voté la résolution blablabla, blablabla, blablabla, pendant qu'à la conférence de Paris, le président, je capte que dalle, déclarait je m'emballec et je m'emballec grave. Sport. Parce que les infos pour les adultes, ça donne souvent ça pour les enfants, le JDE est spécialement conçu pour eux. Avec le JDE, t'as tout compris. Offre spéciale sur le JDE.be. Girl, I'm down for your loving. Down for my fatty fatty. Down for your loving. Down for my naughty naughty. Down for your loving. I'm giving you loving. Stay with me, cause it's time to say goodbye. Don't leave me alone. Just stay for the night. I need you tonight. Baby, you know that it's time to say goodbye. But don't leave me alone. Just stay for the night. I need you, I need you tonight. Sauver les animaux, ramener la paix dans le monde. Non, je déconne. Ils auraient pu... voilà, quoi. Hein? Je vais y aller, moi. Mike, le soir, sur Fun Radio. Fun Radio. Hey, this is Clean Bandit. On Fun Radio. Hi, Demi Lovato. The song Dance Floor. I wish it. Sur Fun Radio. Et merci de nous écouter la famille, j'espère que vous avez passé une bonne journée. On l'a conclu ensemble, la journée de la meilleure des façons possibles. On se tape des barres de rire ensemble jusqu'à 23h, il y a plein d'infos à vous donner. Tout à l'heure on se fera un Lorenza full bordel. Un peu plus tard dans l'émission il y aura de la voyance en direct aussi. Vous pouvez vous inscrire pour tout ça, pour tous les jeux de la soirée aussi. Alors il y a plusieurs solutions pour vous inscrire. Le standard d'abord, ma petite Lorenza. Alors le 02 851 4x0. Sinon il y a le Facebook Mike Fun Radio. Vous posez vos petites questions et Coralie vous répond à la seconde. Elle est au taquet. Ou un petit message au 3044 aussi. 50 centimes par message les amis. Et puis on vous propose toujours aussi de vous sélectionner pour le festival, Lollapalooza. Vous irez peut-être avec la personne de votre choix. Si vous n'avez rien prévu de ce week-end, forcément, puisque c'est samedi et dimanche, c'est à Berlin, ma petite Lorenza. Ouais. Et vous pouvez admirer tous les DJ Fun Radio de ouf. Donc David Guetta, Armin Van Buuren, Jonas Blue, Dua Lipa. Enfin bref, c'est la folie. Tout ça, c'est à gagner en envoyant maintenant festival au 6322. Je viens de tomber sur une info, sur une interview de Christophe Maé. C'est pas très son dance floor, mais je vais quand même en parler, vous connaissez. Ouais, bien sûr. Je sais pas si il s'est lâché dans la presse people. Il a déclaré, écoute bien, les paparazzi sont des chiens à la solde des hyènes. Il continue en disant, les artistes font rêver et ces journaux people veulent les détruire. Ouh, putain. Pas content. C'est beau quand même. Quand j'entends ça, je me dis, c'est con qu'il soit pas chanteur, Christophe Maé. Il nous a fait des belles chansons quand même, c'est... On va écouter Don Diablo dans quelques instants sur Fun Radio. Et on dit bonsoir à Alexandre. Bonsoir Alexandre. Salut. Ça va Alex? Ouais, ça va et vous? Bah ouais, tranquillement. T'appelles de quel endroit? En Belgique. Villers-le-Bouillet, tout près de Wii. Ah ok. Tu fais pas dans la vie Alex? C'est là que vous connaissez. Ouais, ouais, j'en connais, ouais, je connais, oui. On connaît. On joue au voilà, le truc. Alors tu fais quoi dans la vie Alex? J'ai des études d'infirmier. Ok, bah ça va, sois pas déprimé. Ouais, je dis ça tout mal. T'as l'air tout triste, il s'est passé une galère aujourd'hui, Alex, qu'est-ce qu'il y a? Non, attends, je suis en congé, donc tranquille. Ah ok, d'accord, très bien. Donc tu viens de te réveiller peut-être. On va jouer ensemble, Alexandre. On joue puisque t'as envoyé un SMS au 6322, t'as envoyé le code festival. Et donc je te propose de jouer un petit jeu que je vais tout de suite retrouver. On va jouer avec les vrais ou faux métiers. D'accord ? Parce que j'ai trouvé une liste de métiers, je me suis dit c'est pas possible que ça existe. Du coup, je te les ai mis et j'en ai rajouté des faux à toi de me dire si c'est vrai ou si c'est faux. D'accord ? Je vais essayer de t'aider, ça va ? Ouais. Si jamais. Attention, à chaque mauvaise réponse, je serai obligé de diffuser un son, de sortir un son de la poubelle Fun Radio. On a une poubelle ici à Fun Radio, dans laquelle on met tous les sons qu'on n'aime plus. Allez, on y va. Tout le monde va me haïr. Testeur de lit, est-ce que c'est un vrai ou faux métier ? Testeur de lit ? Ouais, c'est vrai, je crois. Moi, je pense que c'est vrai aussi. Ouais, ouais. C'est une bonne réponse. C'est-à-dire qu'un hôtel t'embauche et ton taf, c'est de tester le lit et de dire tiens, c'est bon, gros, tu peux y aller, le lit, il est bon là. Je crois que je vais démissionner, je pense. Tombé à branleur de dindon. Non, c'est pas vrai. Eh bien, si. Mais non, c'est non. Un vrai métier. Il y a des gens qui sont payés à faire ça et à récolter, je ne sais pas dans quel but, mais je te jure que c'est vrai. Tu peux aller vérifier sur internet. Je suis donc, et bien malgré moi, obligé d'ouvrir la poubelle Fun Radio. Ah. Je vais sortir le premier titre au-dessus là, je vais le mettre, vas-y. Oh. Ça fait chanter les oreilles, ça chasse les nuages et fait briller le soleil. Ça fait rire les oiseaux. Ça a toute sa place dans sa poubelle. Ça rajoute. Je te calme, c'est plus c'est quoi, j'ai cassé le délire de Coralie. S'il te plaît. Allez, on continue. Testeur de produits d'haleine, de produits de beauté, pardon. Ouais, bah ouais. Oui, ça s'appelle Maria Carré. senteur d'haleine. De quoi ? Senteur d'haleine. Ouais, allez. Non. C'est une bonne réponse. C'est pour vérifier l'impact de tel ou tel aliment sur l'haleine. C'est affreux, donc, c'est dégueulasse. Tu vas me dire que donc t'as un gars. Dadons, alors, voilà. Ouais. Testeur de préservatif. Non. Non, c'est, je vous rassure, il n'y a personne en laboratoire qui essaye vos capotes avant vous. Allez, rassurez-vous. Michel. Et la dernière, senteur de papier toilette. Je suis sûr, ouais. C'est vrai ça. C'est une bonne réponse. Il y a des gens qui sont payés à l'année pour dire c'est bon, ça sent l'eucalyptus. C'est énorme. C'est fou quand même. Bon, alors, faisons les totos. Eh ben, il y a quasiment que des bonnes. Il a cartonné, hein. Une seule mauvaise réponse. Sélectionné. Ouais, bravo Alex. Ah, bon ça. Nous te sélectionnons Alex pour le tirage au sort de demain. On met ton nom sur cette petite liste, shortlist des sélectionnés de cette semaine. Et peut-être que tu seras rappelé demain entre 16 et 19 par Samy et Chloé. Si c'est le cas, surtout surveille ton téléphone, d'accord ? Numéro privé, ouais, toi, hein, oublie pas. Hein. Ok ? Ouais, ça va, pas de soucis, ouais. Super, salut mon Alex. Salut, bonne soirée. À bientôt. Ouais, bonne soirée, merci. Salut, salut. Ouais. Et il nous reste encore une place, les amis, pour le tirage au sort de demain. Une seule petite place. Vous envoyez maintenant Festival au 6322 Festival. On fera un petit jeu dans quelques instants. Après Don Diablo sur Fun Radio, bonne soirée tout le monde. On est en direct. Un numéro pour nous joindre, c'est le 02 851 4x0. On est connecté aussi sur le Facebook. Mike sur Fun Radio, cliquez sur like. Never enough. You will always find those days when it's rough. But you need to feel existed. Keep it real and be persistent. No one can win if you wake up trying to get out of your skin. You're the one you have to live with. Slow it down, don't overthink it. There are people that won't accept a no from you. know it's always now. Don't try to convince me. It's hard to face the world when words are left unheard. Wake me when it's quiet. Play the part in somebody's show. And no, it's always no. Don't try to convince me. It's hard to face the world when words are left unheard. Wake me when it's quiet. Mike, jusqu'à 23h sur Fun Radio. Merci de nous avoir choisi la famille. 20h42, on est en direct sur Fun Radio. Vous pouvez vous brancher aussi sur la Fun Vision, sur le funradio.be ou l'application Fun Radio. Lorenza est en train de faire des grands signes dans le studio. Comment t'as vu ma petite Lorenza? C'est pour faire des gros coucou à ceux qui nous regardent, tu vois, je leur fais Big up tout le monde. Voilà. Connectez-vous si vous savez pas quoi ça ressemble un studio de radio pour voir les coulisses un petit peu. On n'a pas l'occasion de voir ça tout le temps. Ça déchire. Funradio.be, les amis. J'aurai des infos tout à l'heure sur les dinosaures. Ah. C'est qu'on apprend plein de choses aussi dans cette émission. On déconne, mais on apprend aussi des choses. Et là, parlons de télé, ma petite Lorenza, avec le retour d'une série culte qui a été annoncée. C'est quoi ? Série culte des années 2000. Oui. La série 24 heures chrono. Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. Il y avait une tentative de revival l'année passée, sans Jack Bauer, et du coup, ça avait été un flop total. Et là, il revient. La Fox vient de l'annoncer. Il y a une nouvelle saison de la série 24 heures chrono qui est en prépa, avec le retour de Jack Bauer. La série explorera les origines du héros. Wow. Et moi, je suis content parce que j'aime Jack Bauer. Je me sens proche de ce gars-là, tu vois. On est un peu pareil, Jack Bauer et moi, tu vois. Ah bon? À une exception de près, c'est-à-dire que lui, il est flic, il est musclé, il sait se battre, il fait pas pioli. Ouais, en gros. C'est pas pioli, Jack Bauer. Non, je pense pas. Ah, le point commun, c'est ça? On n'a pas vraiment. Je suis plus proche de Louis La Brocante, en fait, je pense. Post Malone, on l'écoute dans 2 minutes sur Fun Radio. Le temps pour nous de se faire de vraies infos que vous aurez oubliées dans 5 minutes. C'est le concept des news inutiles que voici. Bah les couilles, bah les reins, bah les yeux, c'est bah les glaouis. Bah les couilles, bah les reins, bah les yeux, c'est bah les glaouis. Attention, c'est les infos. Bah les couilles, ça, RL. Écoutez bien, pour vous, on a de vraies infos que vous aurez oubliées dans 5 minutes. Zaya, c'est le nom d'une ville qui est dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Pas mal, pas mal. C'est pas seulement la. Ah non, c'est pas l'autre là, la blanche. Pour être complet d'ailleurs, sachez qu'il y a moins de monde qui sont passés par la ville que dans la vraie Zaya. Lorenza. La taille de l'index de la Statue de la Liberté fait 2,44 m. En Colombie, c'est la coutume avant le premier rapport sexuel d'une fille, d'après toi. C'est une vraie info, je rappelle. Une coutume. Que doit faire une fille avant de se faire prendre sa douche, je sais pas, je. Non, écoute bien, la mère doit être présente lors du premier rapport. Non. C'est dégueulasse. J'imagine la mère de ma meuf qui est tranquille à tricoter pendant que je suis. Ah non, c'est pas possible. Ça se passe bien. Petite dernière, Lorenza. Ouais, alors il faut savoir, tu peux faire le test, hein. Votre pied a exactement la même longueur que votre avant-bras depuis l'intérieur du coude jusqu'au poignet. Allez-y, faites le test à la maison. Ne le faites pas si vous êtes en voiture, évidemment, c'est pas les cons. C'était les infos. Plus de conviction dans le C'était les infos. Ouais, pourtant je kiffe le générique à mort. On le refera tout à l'heure sur Fun Radio. 20h45 sur Fun, on est en direct. Dans quelques instants, on va récupérer. Qu'est-ce qui est là au sondeur, ma petite. C'est Mélissa. Mélissa, t'es là? Oui. Bon, bouge pas, tu nous expliques tout dans 2 minutes après Post Malone, d'accord? Ok. À tout de suite. On se fait better now sur Fun Radio. You probably think that you are better now, better now. You only say that cause I'm not around, not around. You know I never meant to let you down, let you down. Would've gave you anything, would've gave you everything. You know I said that. I believe. only that it would end, no. Everything came second to the band, so. You're not even speaking to my friends, no. You know all my uncles and my aunts, no. Merci de nous écouter, on est sur Fun Radio, on est bien, franchement, on passe les soirs ensemble. Dans quelques instants, Lorenza va essayer de foutre le bordel dans un couple. Et j'espère que je ne vais pas réussir, parce que là, en ce moment, j'ai l'impression qu'on est entouré de gros bâtards. Ah, bah tu vas entretenir ta réputation de briseuse de couple. Si vous voulez que Lorenza teste la fidélité de votre mec, si vous avez un petit doute, ou si vous voulez juste être conforté dans votre couple, 02851 4x0. Allô, Mélissa. Oui. Ça va, Mélissa? Ça va très bien, et vous? Bah oui, tranquillement. Ouais, bienvenue dans l'émission. Toi, ton mec a fait un truc, il a voulu te faire plaisir et ça a foiré apparemment. Ah oui, totalement, oui. Pourquoi? Donc, ça fait plus ou moins 2 semaines qu'on était ensemble et donc il a voulu me faire plaisir hier et ça a complètement foiré, oui. D'accord, okay. Mais comment, il t'a fait quoi? Il t'a cuisiné quelque chose? En fait, il m'a fait à manger mexicain en fait. Donc il était tout mignon, il était trop stylé, avec un poncho, il avait fait des tacos, de la tequila et tout et tout. Et en fait, je déteste manger épicé. Donc j'ai rien mangé. Oh merde. Ah, merde. Bon, on en parle ensemble dans quelques instants, d'accord? On ne bouge pas, on a en plus un sondage qui va lever le voile sur ce qu'on doit faire pour vous impressionner, mesdames, sur ce qu'on doit faire à table pour vous impressionner. Ne bouge pas, ok, on va te donner les résultats du sondage, vous tous et vous tout en direct, on vous attend la famille. Le numéro, Lorenza, s'il te plaît. 02851 4x0. Écoute bien, j'ai une histoire incroyable, Lorenza. Ah, j'adore. Ça se passe en Arabie Saoudite. Ouais. Un religieux, peut-être un petit peu extrémiste sur les bords, a ordonné il y a quelques jours l'exécution de Mickey. La souris. Voilà, il l'accuse. C'est quoi son délire? D'être immoral, d'exercer une influence destructrice. Mais enfin. Et d'être un suppôt de Satan. Quoi? Heureusement, Swat Salah, c'est une prêcheuse qui anime des émissions très regardées à la télé, tu sais, c'est genre le Yann Barthès de là-bas. Oh, ouais. Elle a déclaré dans une interview, il est illogique de considérer une souris de dessin animé en tant que souris vivante et de vouloir le tuer. Mais putain, si Mickey est considéré comme immoral, il y en a un qui doit être traumatisé, c'est Donald. Ça fait quand même 50 piges qu'il se balade sans pantalon, le gars, il est dans la merde. Dans moins de 3 minutes, c'est le retour des délires. Jusqu'à 23h, Mike sur Fun Radio. Tous les matins, réveillez-vous avec Bruno dans la radio sur Fun Radio. demain matin, gagner 10 000 euros cash en envoyant dès maintenant Bruno par SMS au 6322. 1 euro le message. Bruno dans la radio. 6h-9h sur Fun Radio. Le son Dance Floor. Maman, elle est toujours coincée dans les bouchons. Alors, je lui prête mon vélo. Ben quoi, elle ira plus vite. Partagez, c'est inné. À l'avenir, nos journalistes partagent avec vous plus que de l'info. Ils donnent du sens à l'actualité. L'avenir. L'avenir est au contenu. Abonnez-vous maintenant et recevez un bon de 50 euros chez Carrefour ou Decathlon sur l'avenir.net/bienvenue. Vendredi sur Plug RTL, Jane the Virgin. Quand on perd sa virginité, on ne peut plus jamais la récupérer. Suite à une petite erreur médicale, Jane tombe enceinte. Problème, elle est toujours vierge. Mais j'ai jamais couché avec quelqu'un. Tu es Immaculata. Découvrez l'immaculée contradiction. Jane the Virgin, c'est vendredi à 21h50 sur Plug RTL. Plug RTL. Fun Radio. Le son Dance Floor. I'm lost inside this place, trying to find my way. But all I see are roads, it's always the same old chase. I'm gonna pack my bags, I'm gonna find my way. Why won't you come with me? Come on, let's count to three. Mike, M-I-K-E, le soir sur Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Please welcome Kygo and Imagine Dragons. Hey, this is Imagine Dragons. This is Kygo. Fun Radio, le son dance floor. I never knew anybody. Merci d'écouter Fun Radio, bienvenue tout le monde. Rejoins le mouvement. Follow us on us. Mike, jusqu'à 23h sur Fun Radio. On est ici jusqu'à 23. Vous débarquez en direct au 02 851 4x0. Chaque soir, on vous laisse l'antenne ouverte. Vous pouvez venir vous exprimer sur Fun Radio, nous raconter les galères que vous avez vécues aujourd'hui, les coups de cœur aussi, pourquoi pas. 02 851 4x0, 3044 pour balancer vos messages. Soyez les bienvenus, qui que vous soyez, où que vous soyez. 100% tolérance et 100% liberté d'expression le soir. Comme Mélissa qui est avec nous. Re-Mélissa. Salut. Bon, désolé, on t'a fait un petit peu patienter au standard, ma petite Mélissa. Il y avait la tout ça. Tu as 23 ans, t'appelles de Liège. Oui. C'est ça. Et tu voulais nous parler de ton mec qui a cuisiné pour toi hier. Oui, c'est ça. Donc, il a cuisiné mexicain. Donc, il avait sorti le grand jeu. Il avait tout décoré. Une belle table, poncho. Tout ce qui sentit, c'était vraiment trop mignon. Il avait mis la tenue de mexicain. Le mec était en tenue de Mexique. Enfin, avec le poncho, quoi. Oui, c'est ça, voilà. Bon, c'est donc, il avait vraiment tout le grand jeu. C'était vraiment tout mignon. Mais le problème, c'est que je déteste manger épicé et que j'ai rien mangé. Bah écoute, déjà, ça me fait plaisir de voir que Pépito a trouvé une meuf. Ça fait plaisir. Ouais, mais c'est ça. Le seul problème avec la bouffe mexicaine, c'est que, chérie, maintenant, je te le dis, profite de ce moment. Voilà, ça arrive. C'est très classe. C'est le problème. C'est le problème du burrito, quoi. Et t'as rien mangé, du coup? Il l'a mal pris? Non. Bah, il m'a demandé plusieurs fois, tu manges pas? Mais. Non. Tu lui as pas dit. Ce que tu nous as pas précisé à l'antenne, mais que tu as dit à Coralie en antenne, c'est que c'était ton nouveau mec. Ça fait 2 semaines que vous êtes ensemble, c'est ça? Oui, c'est ça, oui, 2 semaines. Donc oui. C'est la première fois qu'il cuisine pour toi et toi t'as rien mangé. Trop gênant, parce que c'est le truc. Oui, voilà. En début de relation. Ça t'est déjà arrivé, Lorenza, ça? Ouais, toi, de... bah, au début de relation, c'est un peu délicat. Tu vois, pas spécialement pour la bouffe, mais de dire à ton copain qu'il y a un truc qui te plaît pas ou quoi, t'essayes que tout soit parfait, que tout soit bien. Et là, bah, du coup, j'imagine, comme il a sorti le grand jeu, elle était gênée, quoi. Oui, c'est ça, surtout que tout était vraiment top, parfait, quoi. C'était autre chose à manger, ça reste vraiment parfait, mais là. Et il aurait dû faire quoi pour t'impressionner à table? Ouais. Tu kiffes manger quoi? Quelque chose, je sais pas, peut-être du sucré ou pas épicé, du moins, je crois que c'était pas une bonne idée déjà. Ouais, c'est juste parce que vraiment c'était épicé, quoi. Oui, oui. Lorenza, tu cuisines toi ou pas? Moi, je suis une vraie merde en cuisine. Ah ouais, rien, tu maîtrises rien, même pas les pâtes? Je sais maîtriser les pâtes et le poulet curry et j'en suis fière. Moi, ma spécialité, je vous en ai déjà parlé dans l'émission. Ouais. La purée lavabo. C'est un bon petit plat que je maîtrise. C'est le seul plat que je maîtrise avec les œufs durs d'ailleurs. Je sais, ma meuf a de la chance, mais. Le dites pas trop fort. C'est quoi le truc? Non, mais en fait, la purée lavabo, c'est très simple. Tu vois les purées en sachet? Ouais. La mousseline par exemple. Ouais. Eh bien, normalement, tu dois mettre un petit peu d'eau et beaucoup de lait. Oui. Tu n'as plus de lait chez toi, comment tu fais? Tu vas dans la salle de bain, tu bouches le lavabo. Tu mets de l'eau, mais de l'eau très très très très très très très chaude. Ouais. Tu remplis le lavabo, tu mets ton sachet de purée, tu touilles et ça fait une bonne purée lavabo. C'est dégoûtant. Ça te dégoûte de ouf. Je sais, je vends du rêve. Donc, écoute bien, on a un sondage, ma chérie. Tu vas pouvoir écouter les résultats de ce sondage sur ce que doit faire un homme pour vous plaire à table, mesdames. Lorenza, les résultats. Alors, 8% des femmes, si vous faites les mecs des sushis maison, ça va les impressionner. Oh, t'aurais bien aimé ça, des sushis maison? Mélissa? Ah oui, pourquoi pas, oui. Ouais, j'adore. C'est galère. C'est la classe. Je sais pas si vous avez déjà ouvert un bouquin de cuisine japonaise pour faire des sushis. Non, jamais. Sur 200 pages, t'as facile 180 pages qui te disent juste le matériel pour acheter. C'est vrai, ça, c'est vrai. Ah, j'ai vite lâché l'affaire. 12% des femmes, peu importe, en gros. Un plat improvisé avec des ingrédients qu'on a dans le frigo, ça peut faire l'affaire. Ouais, très simple. Pas mal. 13% des femmes voudraient un vrai dîner de gourmet. Ouais, avec des chandails, des bougies, des ça, fleurs. C'est un peu relou aussi. C'est peut-être juste un dîner avec des boîtes de chats gourmets. Ouais, pas mal. 16%, un petit déjeuner au lift suffit. Mmh. Et 22% des fans, un pique-nique. C'est romantique, un pique-nique. C'est sympa. C'est vrai. En plus, c'est le truc préféré des serial killers. C'est direct au fond du jardin, ils peuvent préférer, comme ça, c'est rapide. Bon, et ma chérie. D'après toutes les réponses, tu te reconnais dans laquelle? Oh, j'aurais dit petit déjeuner. Le petit déjoli. Ouais, à fond, moi aussi. Ah oui. T'as totalement raison. Eh bien, on va communiquer ça à ton mec, ok? Je te fais des gros bisous. C'est gentil, merci. Merci de vous avoir tu appelé. Tu reviens quand tu veux. Un gros bisou, Mélissa. Merci, bisous. Bisous. Gros bisous pour faire comme Mélissa, 02 851 4x0. Le Lorenza Full Bordel arrive sur Fun Radio. On va prendre encore un sélectionné pour peut-être l'envoyer au festival Lollapalooza. Ouais, il vous suffit d'envoyer festival au 6322 pour 1€ le message et admirer tous les DJ de ouf avec l'hôtel, avec le transport. Enfin. On gère la totale. Wow. Pour vous et la personne de votre choix. En plus, vous envoyez festival 6322. On va jouer au jeu des 10 secondes sur Fun Radio après Rudimental et Major Lazer. Passez une bonne soirée, tout le monde, on se branche sur la funradio.be pour voir la Funvision. Vision. I say to myself, it's never as it seems. 'Cause I am the one, I rule my world. Nobody rule my destiny. 'Cause you are the one, you rule your world. No Batman on your destiny. Leave me alone, let me live my life. Leave me alone, let me live it up. Soirée sur Fun Radio. Vos soirées ne seront plus jamais les mêmes. Oh, yeah. Mike, le soir sur Fun Radio. Et on est là, bien en direct, fidèle au poste sur Fun Radio jusqu'à 23h. On vous accompagne. Un petit numéro pour nous appeler, c'est le 02 851 4x0. Pour les plus timides, il y a la page Facebook aussi, c'est ouvert. Vous pouvez nous envoyer un message en privé. Coralie s'occupe de checker tout ça. Tout à fait. Mike sur Fun Radio. Et puis les SMS aussi au 3044. Lorenza. Ouais. Dans l'actu aujourd'hui, les scientifiques viennent enfin de lever le voile sur un mystère. Un mystère qui frustre l'humanité tout entière depuis des centaines d'années. Car ouais, on aurait aimé avoir cette information beaucoup plus tôt, ça aurait sûrement permis de sauver des vies. Ouais, ouais. De changer des vies. Écoute bien, les scientifiques viennent de mettre au point une nouvelle technique qui devrait enfin permettre de connaître la température des dinosaures. What? C'est quoi ça? C'est génial, non? Je savais même pas qu'il y avait des gens qui s'intéressaient à ça. Mais moi, ça me rend heureux de savoir ça. Pendant des années, voilà, je... Tu t'es posé la question il y a, et tout. Non, mais je suis étonné de savoir que pendant des années, il y a des chercheurs qui ont travaillé pour en arriver à... On va enfin savoir la température des dinosaures. Alors écoute bien, la technique consiste à analyser la consistance de certains isotopes qui s'agglomèrent en fonction de la température, bien sûr. Ça, c'est facile. Oui, nickel. Bon, au départ, le mec avait en fait fabriqué un thermomètre de 12 mètres de long. Et puis ils sont aperçus, ouais, ça marche pas, ils sont passés à une autre technique. Bon, le thermomètre est pas perdu, ils l'ont revendu à ma gloire, je crois. Ce sera pour la prochaine Gay Pride, ça va servir. Cardi B. C'est la suite sur Fun Radio. Et c'est dans 3 minutes le temps de jouer avec Lola qui est avec nous. Salut Lola. Salut. Ça va bien Lola? Oui. Bienvenue dans l'émission Lola. 13 ans, t'appelles de Louvain-la-Neuve. T'as 13 ans, t'écoutes l'émission? Tes parents ils te laissent écouter, t'écoutes en secret ou ils te... Ouais, en cachette dans ta chambre. Non, ils me laissent écouter. Ah, ils t'ont même laissé nous appeler. Ce soir, ma petite Lola, on va jouer ensemble au jeu des 10 secondes. Je t'explique, je te pose des questions. Je suis là pour t'aider, pour te dire si c'est plus ou c'est moins. C'est des chiffres qu'on cherche à chaque fois. Et t'as 10 secondes pour trouver la réponse, d'accord? C'est assez simple. C'est un match face à Lorenza. Donc nous allons commencer avec Lorenza, histoire de te montrer un petit peu comment on joue. T'es prête, Lorenza? Je suis prête. Lorenza, en moins de 10 secondes, donne-moi la taille totale. Attention, c'est dur. De la muraille de Chine, à 3 mètres près. 10 500. Non, moins. 3 500. Plus. 5 500. Plus. 6 700. Ah, on n'était pas loin, c'était 6 259 km. Ah. Bon, je te l'accorde, celle-là, c'était pas facile. Attention, c'est à toi. C'était plus simple pour elle parce que. Oui, je suis en train de. Galérer. Je suis en train de me rendre compte que c'est un peu dur ce soir. Donne-moi. En. Lola. Donne-moi en 10 secondes. C'est pour Lola ou c'est pour moi? Lola. Ok. C'est pour Lola. Donne-moi en 10 secondes l'âge de Lorenza. 26 ans. Moins. C'est moi. 20 ans. Plus. 25 ans. Ouais. C'est une bonne réponse. Ouais. Attention. Lorenza, à toi. Oui. En moins de 10 secondes, l'année de création de Fun Radio Belgique. 1925. 1925, je. 95. Ah, 95, non, c'est moins. 1990. Moins. 1985. 1989. Attention, on en fait un petit dernier, Lola, pour valider ton cadeau, d'accord? Ok? Ok. En moins de 10 secondes, ma petite Lola, donne-moi le nombre, l'âge exact de Passepartout de Fort Boyard. 35 ans. C'est plus. 40 ans. C'est plus. 46 ans. Plus. 49 ans. Plus. 56 ans. C'était 50 ans, mais bon, allez, c'est pas grave. Oh. Bon, ça fait combien? De partout. Ouais. Allez, on s'en fout. Yeah, Lola. Ce jeu était ripou. On va pas se mentir. On passe à autre chose. Mais non, pas de soucis. Lola, toi, t'as assuré, ma chérie. Toi, t'as géré. On te met du cadeau, Laura? Lola, pardon? Oui. Oh, elle est toute timide. T'as kiffé? T'as kiffé jouer avec nous? Oui, j'ai bien aimé. Oh, c'est trop cool. Mignon. Tu nous écoutes toute la soirée, Lola? Oui. T'as pas école demain? Si, mais c'est pas grave. Oh, la rebelle! Tu commences à quelle heure? À 8h30. C'est tout ça. Avec quoi comme cours? J'en sais rien. Ah ben, bah, renseigne-toi, ma chérie. Belle rebelle. Vive la jeunesse! Je vais pas regarder mon horaire. Thug Life! Je te fais des gros bisous, Lola. À bientôt dans l'émission. Bon, bisous, Lola. Lola! Bisous! À bientôt, bisous! Tu reviens quand tu veux pour faire comme Lola, pour aller au festival, par exemple, Lollapalooza. LOL. Oh! Festival 6322. Oh, le relou. Je m'en vais. I like diamonds, I like stunning, I like shining. I like $1 million deals, where's my pen? Bitch, I'm signing. I like those Balenciagas, the ones that look like socks. I like going to the Tula, I put rocks all in my watch. I like texts from my exes when they want a second chance. I like proving niggas wrong, I do what they say I can. They call me Cardi, Cardi, banging body, spicy mommy, hot tamale, hotter than a Somali. Ferrari, hop up the stoop, jump in the coupe. Big dip on top of the roof, flexing on bitches as hard as I can. Eating halal, driving a Lamb. So that bitch, I'm sorry though. Got my coins like Mario. Yeah, they call me Cardi B. I run this shit like cardio. Diamond district in the chain. Certified, you know I'm gang, gang, gang, gang. Drop the top and blow the brand. Oh, he's so handsome. What's his name? Chambean pero no jalan. Hola. Tú compras todas las Jolambo, a mí me las regalan. I spend in the club, what you have in the bank. This is the new religion bank, el latino gang. Está toda servieta, pero es que en el closet tengo mucha grasa. Ya mudé la Gucci pa' dentro de casa. Cabrón, a ti no te conocen ni en plaza. El diablo me llama pero Jesucristo me abraza. Guerrero como Eddie, que viva la raza. Me gustan boricua, me gustan cubana. Me gusta el acento de la colombiana. Como me ve el culo la dominicana. Lo rico que me chinga la venezolana. Andamos activos, perico, pim, pim. Billetes de 100 en el maletín. Que retumbe el bajo y Valentín, yeah. Aquí prohibido mal, dile Charitín. Que per pico le tengo claritín. Yo llego a la disco y se forma el motín. Diamond District in the chat. Cruz tengo el azúcar. Azúcar. Tú que va medio y se fue de pecho como Jimmy Luca. Te vamos a tumbar la peluca y arranca pa'l carajo, cabrón, que a ti no te va a pasar la boca. Mi tel y Valenciaga me reciben en la entrada. Pa pa pa para, sí, like I'm Lady Gaga. Y no te me hagas, que en cover de Billboard tú has visto mi cara. No salgo de tu mente, donde quiera que viajes, has escuchado mi gente. Ya no soy high, soy como el testa rosa. Yo soy el que se la vive y también el que la goza. Goza, goza, es la cosa, mami, es la cosa. Goza, el que mira sufre y el que toca goza. Goza, goza, goza. I said I like it like that. I said I like it like that. I said I like it like that. I said I like it like that. Diamond District in the chat. Certified, you know I'm gang. Drop the top and blow the brand. Oh, he's so handsome, what's his name? Yeah. Merci d'écouter Fun Radio. On est là au canon, famille. Venez comme vous êtes. 20h-23h, Mike, le soir sur Fun Radio. Et qui que vous soyez ou que vous soyez, ramenez-vous. On est là pour vous, les amis. C'est votre émission. Vous débarquez en direct au 02-851-4x0. Venez nous dire si vous avez eu des galères aujourd'hui. Venez déconner, venez faire de la radio avec nous, tout simplement. Ouais, on kiffe ça. Il y a plein de jeux qui sont calés en plus ce soir. Il y aura du Lorenza Foot Bordel, ça c'est un peu moins rigolo. Enfin, oui. Quand ça tourne mal. Ouais, ah, voilà. C'est rigolo de loin, quoi. Enfin, ça te concerne pas. Ouais, parce que je rappelle que. Je suis un peu mal quand même, mais. Lorenza voilà. Tente de briser des couples, pas de tester la fidélité. Pour le moment, trop bien à mon goût en fait. Ah ouais, bah là, il y a ouais. Quoi, il y a au moins 4 couples qui ont été brisés depuis le début de l'émission, depuis le 27 août. Et ça ne fait que 2 semaines, Lorenza. Je vais avoir une médaille en fin d'année, tu vois. J'ai une info pour toi. Ouais. C'est dans la presse aujourd'hui, on apprend qu'aux États-Unis, un homme de 27 ans vient d'être mis en examen pour incendie volontaire. Pourquoi ? Parce qu'il est soupçonné d'être à l'origine des feux qui ont ravagé la Californie cet été. C'est bien. Ouais, on a retrouvé ce gars-là. Il reste donc plus qu'à retrouver celui qui a provoqué l'incendie de loin le plus ravageur du siècle. Je vous rappelle qu'on cherche encore qui a bien pu mettre le feu aux fesses de Paris Hilton. Le mystère reste entier. On va retrouver Sib. C'est dans un instant sur Fun Radio. Et qui est avec nous, Coco ? C'est Louis qui est là. Salut Louis. Hello. Bonsoir la famille. Ça va ou quoi, mon pote ? Coucou. Ça va, vous bien. Hey, il a fait un coucou aussi gênant que quand je parle. Mais t'as l'air bien, mon Louis. T'appelles de quel endroit en Belgique? Je suis de Crenem. Très bien. Et tu fais quoi dans la vie? Ben là, pour le moment, je cherche du boulot. Tu cherches dans quoi? Vas-y, son balance. Ah, je cherche dans la plomberie. J'ai fait une formation plombier, donc voilà, je cherche dans la plomberie. D'accord. Tu sais qu'un des arguments imparables, hein, pour être plombier, il faut avoir le pantalon qui descend au milieu des fesses. Hein. Il faut avoir la réapparence. Je vais me pousser la moustache. Ah, oui, exactement. Mal, ce sont deux arguments. Ne bouge pas, Louis, on va parler. Tu veux nous parler de quoi dans quelques instants? Tu t'es fait recaler par une meuf, c'est ça? Oui, c'est ça, voilà. Je me suis fait larguer par une meuf parce qu'on n'a pas les mêmes, mêmes points d'intérêt, on va dire. Très bien, bah, tu nous dis quoi juste après Sib sur Fun Radio? To think about anybody else but you, drink about anybody else but you, talk about anybody else but you, you. Can't stop picturing my lips on you. No more waking up in your room. Fuck, I want anybody else but you. I just wanna drink about anybody but you. No more waking up in your room. No more waking up in your room. Fuck, I want anybody else but you. Fuck, I want anybody else but you. little too hard. Get out of my front yard. We do. I bet beggars can't be choosers. Telling you the truth, you make it so damn hard to just not give a fuck. Bleeding out on the living room rug, but I'd pay a million bucks to think about anybody else. La Belgique en entier. Chaque soir, on est là pour foutre le bordel. Charleroi, Liège, Bruxelles, Namur, Mons. Oh, à chaque fois, je me sens Ken quand il fait ça. Braine-l'Alleud, Waterloo, RPZ. Ouais, elle a eu le pouls. Liège, Verviers, Walkenrad, vous pensez merci, un petit peu de temps en temps. Bielsa, Malmedy, Warem, Chrisney, Oreil. Tournez. Voilà. Je suis un animateur radio, sortez-moi de là, s'il vous plaît. 21h20, on est en direct sur Fun. Il y a Maître Gims qui arrive avec Corazon. Le soir avec Lil Wayne et French Montana, c'est ce qu'on va se faire. S'il y a un son qui vous ferait plaisir, d'ailleurs, ce soir, vous nous en faites la demande. Au 3044, on nous dit j'étais en couple avec une fille, mais aujourd'hui, malheureusement, c'est fini. Je voudrais savoir si elle va revenir, car je l'aime énormément. Je voudrais passer pour la voyance en direct. Merci. Bon, on va te rappeler, mon pote, pour la voyance en direct tout à l'heure. On nous envoie Burno. Ah, bah non, c'est con. C'est Bruno qu'il faut envoyer, pas Burno. Vous envoyez Bruno pour le demain, là. Demain, ils offrent 10 000 euros dans le morning de Bruno. 10 000, quoi. Ce matin, c'était 9 000, hier 8 000. Et ouais, ça n'a fait qu'augmenter. Demain, c'est le jackpot. On voit où vont les sous dans cette radio. Oui. On nous dit bonsoir, l'équipe. Merci de m'avoir permis à parler à Daddy K hier. Bravo pour l'invité, bravo pour l'émission et bravo à Daddy K. C'est Gigi de Liège. Bon, bah, ça fait trop plaisir. Mignon, ouais. Continuez à vous assurer, est-ce que je peux passer pour jouer? Ben, on va te rappeler, mon pote. Vous continuez d'envoyer vos messages au 3044 la famille. Et puis là, il y a Louis qui est avec nous. Toujours là, Louis. Yes. Luigi, bon, oui. Alors tu m'as dit que t'étais avec une meuf qui t'a recalé. Luigi. Ah oui, excuse-moi, je me permets des choses. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas élevé les cochons ensemble. Alors, Louis, tu m'as dit que tu passais. Que t'étais avec une meuf, t'as eu un rencard et elle t'a recalé parce que vous avez pas les mêmes centres d'intérêt. C'est-à-dire. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'elle est, elle est à fond dans les films, les trucs. Et moi, sincèrement, j'ai même pas vu Titanic, quoi. Donc. Bon, moi je suis comme toi, j'ai jamais su. Bah déjà tu connais la fin. Allez, les gars, non. Déjà tu connais la fin. En plus ça dure 3 heures et tout le monde meurt sauf Céline Dion. Alors pff, quel intérêt. Oh mais c'est culte quoi, c'est pour votre culture et tout. Mais non, oula, je le sens blasé là. C'est vrai qu'après ça fait partie de la culture populaire et tout de ces films de Titanic quoi. Écoute, il aime pas les films. Ouais non. Est-ce que c'est vraiment une raison pour ne pas essayer de connaître plus la personne, pour faire une croix sur ce qui aurait pu être une belle histoire d'amour? Elle t'a vraiment recalé que pour ça, elle t'a rien dit plus quoi. Mais juste pour Titanic. Non, c'est ça, Oui, pour Titanic, parce que franchement, je regarde pas la télévision, je regarde pas les films, enfin, ça m'intéresse pas. Je tiens à le dire, j'ai pas vu Titanic peut-être, mais j'ai vu tous les films de Jackie et Michel. Hein, je tiens juste à le dire. Est-ce que tu veux une médaille? Dites-moi quel est le film que tout le monde a vu, sauf vous. Dans l'équipe, vous réfléchissez. 3044 pour balancer vos messages. Quel est le film que tout le monde a vu, sauf vous? Sinon, moi, il y a un autre film. Parce que moi, je suis un peu comme toi. Il y a plein de films que j'ai pas vu et que tout le monde connaît. Ouais. Genre Matrix. Ah ouais. Matrix, j'ai jamais regardé ce film-là. Tu l'as vu ou pas, Matrix, toi, Louis? Non, moi, j'ai pas vu. Non, Louis, non, mais Matrix, j'ai vu la bande-annonce une fois. Tout ce que j'ai retenu, c'est que c'était le seul mec au monde qui prenait la pilule. Ça? Sur les SMS au 3044, on nous dit, moi, j'ai jamais vu Star Wars. Oh non! Dirty Dancing pour moi. Lorenza? Bah, c'était ça. C'était ma réponse. Ah, c'était ça. C'est pour ça que t'as dit non, quoi. Vous allez être choqués. J'ai jamais vu Star Wars. Mais Coralie aussi, je crois. Jamais. Si, j'en ai vu quelques-uns quand même. Je regardais chez lui. Mon préféré, c'est quand il est tout petit là et qu'il conduit des trucs là, des machines. Mm-hmm. Je sais plus c'est dans lequel, mais c'est mon préféré. Tu t'es trompé de film, je crois que ça n'a rien à voir. Mais si, c'est dans Star Wars. Il conduit des machines, ok. Et le film que tout le monde a vu, sauf toi? Dick and Huck. Dickeneck. T'as pas vu Dickeneck? Je n'ai pas vu Dickeneck. Tu sors ou je te sors? Tu sors. Je connais les phrases cultes, mais je ne l'ai encore jamais vu. Bah écoute, Louis, je pense que c'est juste une connasse. Et si ouais, elle a pas... parce que c'est scandaleux quand même de. Mais tu sais peut-être que, enfin, bah, c'est triste à dire, mais peut-être que tu lui plaisais pas et qu'elle a trouvé ça comme ouais, excuse. Ça aussi, c'est possible. Oh, c'est peut-être juste une excuse. Attends, après ça bah, arrive. Au moins, t'es débarrassé d'une petite conne, voilà. Ouais, exactement. Voilà. Ça tu peux ouvrir ton esprit vers d'autres rencontres. Salut, Louis. Merci beaucoup. Gros bisous, Louis. Bah, merci bonne à toi de nous avoir appelé. A bientôt, tu reviens quand tu veux dans l'émission, ok? Merci. Voici Maître Gims sur Fun Radio, ensemble jusqu'à 23h. French, it's Weezy F, the F is for French. My heart in this shit, I'm balling my fist. Counting every call that I miss. And then I look up at the stars and they all made a wish. I'm falling forever, that just means I'm sent from heaven. Land on a broken heart, put it back together. My act together, your man heart black as leather. Me and you could get together, make nasty weather. Her name was Marie, I met her in Paris. She a thief cause she stole my. She love to hear it beat. I love her from my head to her feet. She my sweet, sweet. Warm-hearted, hot French missus, French kissing. And she got that French dip, I'm French dipping. Tell your boyfriend, listen, I am what you've been missing. Told you got your quarters on skipping. Comme la sang. Au revoir. Dis-moi pourquoi tu fuis, pourquoi qu'est-ce que je suis. Mi corazón. Dis-moi combien tu m'aimes. Dis-moi ce que j'ai fait. Mi corazón. Dis-moi où est-ce que tu vas. Non, non, ne t'en vas pas. Mi corazón. Corazón. No one is when you hear that. Baby, comment allez-vous? Cool, like a freestyle top off the roof. I'm a new, you know the yacht like a cruise ship. V12, Rory diamonds freezing on my dudes and lion face. I'm talking about 100 links. Tattoos, big beers, Usama King. Hey, a brother like peers. Multi-millionaires for 20 years. But really though, 24K gold solid through my city flow. Did you know? Fresh vanilla on our rock, on our rock. I make it melon do the bop. Bottom of the pot, on the top and the bottom, from the bottom to the top. And then you know what I'm on. Grind all night, count money in the morning. Dis-moi pourquoi tu fuis, pourquoi qu'est-ce que je suis, mi corazón. Dis-moi combien tu m'aimes, dis-moi ce que j'ai fait, mi corazón. Dis-moi où est-ce que tu vas, non, non, ne t'en vas pas, mi corazón. Corazón. Et tu es rentré dans ma tête ce jour-là comme une maladie. Et ce que tu m'as dit, je l'ai en mélodie. Tu es rentré dans ma tête ce jour-là comme une maladie. Et ce que tu m'as dit, je l'ai en mélodie. Et tu es rentré dans ma tête ce jour-là comme une maladie. Et ce que tu m'as dit, je l'ai en mélodie. Tu es rentré dans ma tête ce jour-là comme une maladie. Et ce que tu m'as dit, je l'ai en mélodie. Corazón, dis-moi pourquoi tu fuis, pourquoi qu'est-ce que je suis, mi corazón. Dis-moi combien tu m'aimes, dis-moi ce que j'ai fait, mi corazón. Dis-moi où est-ce que tu vas. Dis-moi où est-ce que tu vas, non, non, ne t'en vas pas, mi corazón. Corazón. Corazón. Et bonne soirée la famille, merci d'être branché sur Fun. Que du gros son, tous les sons que vous voulez demander sur l'SMS. 3044. Je vais laisser parler Maître Gims. Ah. Pardon Gimmy. Allez, finis ta chanson. On est allé, on vous attend au 02851 4x0. Dans l'actu, ma petite Lorenza. Faut que j'arrête de dire ma petite Lorenza. J'ai tout le temps ma petite Lorenza. Surtout que je fais un mec septembre. Le patron m'a dit ça. Ma grosse Lorenza. Oh, quel bâtard. Non. Écoute bien, aujourd'hui dans l'actu, cet appel lancé par les pharmacies qui incite les gens à ramener les produits dont la date de péremption est dépassée pour le recyclage et pour l'environnement. J'avoue que je le fais jamais. Ouais. Mais il faut le faire, Lorenza. Voilà, il fait le. Ouais. Mais moi aussi, je le fais. Enfin, je me vois mal lui ramener ma boîte de capote périmée depuis 2008, tu vois. Dans moins de 3 minutes, c'est le retour des délires. Jusqu'à 23h, Mike sur Fun Radio. La DH vous présente en exclusivité la collection Buste Star Wars. Pour la première fois en collection, les bustes de la saga mythique. Le numéro 1, Dark Vador, 3,99€. Actuellement en librairie. Une collection présentée par la DH. Je m'appelle Bond. James Bond. Bienvenue au cinéma Galactica. Gamin, reviens, gamin. T'es pour rire. Monsieur. E.T. Phone Home. Ah, je vois. Autant de rôles, autant de personnages. Bonne nouvelle pour vous. Les BNP Paribas Fortis Film Days reviennent. Ma précieuse. Du dimanche 23 au mercredi 26 septembre, les BNP Paribas Fortis Film Days reviennent. Pour tout le monde, pendant 4 jours, tous les films sont à 5,50€. Les avant-premières aussi ? Aussi. Mike, Lorenza, ils auraient pu éradiquer la famine, sauver les animaux, ramener la paix dans le monde. Non, je déconne. Ils auraient pu... voilà quoi. Hein ? Je vais y aller, moi. Mike, le soir, sur Fun Radio. When the lights go down and the stars come out, I'll be ready, I'll be ready. When the lights go down and the stars come out, I'll be ready, I'll be ready. I'll be here for you when your heart breaks, when you lose faith, yeah, I promise. Sur Fun Radio. On est bien. Dernière avant le week-end. Vos soirées ne seront plus jamais les mêmes. Ooh, yeah. Mike, le soir sur Fun Radio. Avec Coralie, avec Lorenza également, qui qu'est-ce est là, ma co-animatrice. Qu'est-ce que je kiffe le Ooh, yeah. J'avais envie de le dire. 02851 4x0 pour nous dire ce que vous kiffez comme Lorenza, ou pour passer des coups de gueule, pour faire des jeux avec nous, pour faire de la radio tout simplement, pour déconner comme on le fait chaque soir ici jusqu'à 23h sur Fun Radio. Il y aura Jack Jones dans un instant, on va s'écouter le Ring Ring. Et nous allons récupérer Thibaut qui est avec nous. Salut Thibaut ABX. Salut, ça va ? T'as un pote ? Bah oui, et toi ? Bah ça va très bien, merci beaucoup. Bienvenue dans l'émission. Ouais, ça va bien, mais t'as une galère quand même. Ouais, j'ai une petite galère, je t'avoue que demain je dois me lever assez tôt. Tu te lèves à quelle heure demain ? Je dois me lever vers 1h du mat parce que je... What ? Tu fais quoi ? En gros, demain, je dois aller à un petit séminaire pour le travail et vu que je conduis, je dois être un petit peu en forme. Ah bah c'est mieux, oui, pour éviter tout ce qui est accident. Ah, t'arrives pas à dormir? Ouais, du coup, voilà, j'aurais besoin de... Enfin, tu voudrais des petits conseils parce que là, vraiment, je suis carrément en galère et j'aimerais bien être en forme demain. Attends, à 1h du mat', il est déjà 21h30. Bah ouais, ça te fait... Oh pardon, je me moque de toi. Dites-nous si vous avez des conseils au 30-44. Lorenza, est-ce que t'as un conseil pour qu'ils s'endorment comme ça? Ben moi perso, je bois une petite tisane avant de dormir. Je sais pas si t'as ça. Ouais, ça fait ou du lait chaud, on nous dit sur les SMS maintenant. Et avec du miel aussi, lait chaud au miel. Ah ouais, ça passe, ça marche. Ça marche à fond. Je sais pas si t'as ça chez toi. Ouais, j'ai du miel. Je vais essayer, mais j'ai pas trop de tisane, je t'avoue. Bah alors peut-être du lait au miel, ouais. C'est du café en fait. Ah non, ça, pas ça, le café. Pas le faire, hein. J'ai une technique infaillible, sinon pour t'endormir en moins d'une minute trente. Tu es prêt, tu notes? Quoi? Faut écouter la concurrence à la même heure. En ce moment, tu t'endors rapidement. T'as essayé de lire un bouquin? Ah, ça marche à fond, ça. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit bouquin, ça m'a fait mal. J'ai parlé de lecture d'habitude. Non, c'est vrai que lire un livre, ça marche hyper bien. Tu t'endors dessus direct. Mais j'ai essayé, mais j'ai pas réussi en fait. Tu vois, genre j'ai vraiment essayé de lire un peu parce que c'est vrai qu'à chaque fois c'est ce qu'on dit, tu vois, genre ouais, ouais. J'ai essayé de lire. Mais j'ai pas. Ça arrive pas. Pas vraiment. Petite insomnie du soir, ça fait assez peu plaisir. Oh. On nous dit soulage-toi pour. Enfin, j'ai fait la traduction. Oui, encore un petit peu trop tôt pour dire ce mot-là. Simplement. Oui, moi je peux pas comprendre ça, mais peut-être. Sur la SMS au 3044, il faut lire et éviter de regarder la télé ou les écrans parce que ça excite. Ouais, ça c'est vrai aussi. C'est vrai que la télé ça existe. Sauf si tu regardes Chasse et Pêche sur TF1, là tu vas dormir. Tu risques d'être réveillé à tout moment par un mec qui imite le pivert, mais. Moi j'ai une technique pour quand je veux m'endormir absolument. Ce que je fais, c'est que je me concentre sur ma respiration. Je fais 1, 2, 3 et je compte comme ça le nombre de mes respirations et ça me permet de m'endormir assez rapidement. Généralement, j'arrive pas à 50 que je dors. Quoi? Tu comptes les moutons en fait, quoi? Ouais, c'est un peu ça. Ouais, en fait, tu comptes un peu les moutons, mais tu te concentres vraiment sur ta respiration. Tu t'es juste inspiré, expiré et tu comptes simplement et ça va facilement t'endormir. D'accord, tu peux essayer ça aussi. Donc là, il y a la technique du lait avec du miel. Si ça ne marche pas, tu lis un livre. Si ça ne marche pas, tu comptes les moutons. Et puis après, de toute façon, tu te retrouves réveillé. Donc au bout d'un moment, on nous dit sinon, tu regardes le truc, je sais plus sur quelle chaîne, où ils lisent des livres en entier. Ah ouais, c'est aussi. Ah, c'est hyper trop la nuit, ça. Ouais. C'est l'insomnie. Ouais, mais c'est pas encore commencé ça, là. La galère, ça. Et puis généralement. C'est vers 2-3 heures. T'as la meuf, elle joue trop mal. Genre, il entre dans la pièce. Il s'étonne de la trouver là. Mais tu sais quoi, en fait, je pense que les meufs, elles jouent mal parce que je pense qu'elles prennent des cours de lecture. Je pense. C'est ça, elles s'entraînent à lire. C'est pas une émission en fait. Les gars, ils prennent vraiment des cours. Il y a encore un petit SMS qui arrive sur des petits conseils coquins. Et c'est moi, j'ai un conseil pour qu'ils dorment. Il faut qu'ils se touchent avec un film érotique. Ouais, alors c'est des petits coquins qui nous écoutent ce soir. Hein. Donc voilà, peut-être essayer tout ça. Par Sarah Liache qui nous dit, il faut refroidir la température de ton corps en prenant une douche froide ou en mouillant ta nuque. Ah, tu peux essayer ça. C'est vrai, moi je connaissais pas ça. Il faut prendre une douche froide. Ouais, mais une douche froide. Je pensais que ça réveillait. Moi aussi, je pensais que ça réveillait. Bah écoute, a priori, ça refroidit. Oui, c'est vrai que quand on dort, la température du corps, ça baisse. Ça baisse, ouais. Damien nous dit, moi, je regarde des rediffs des vieilles séries sur AB3. Oui, okay. Mais bon, là, cette heure-ci, ça passe pas. Ouais, c'est ça. Non, bah écoute, essaye les techniques qu'on t'a dit, le lait avec le miel. Et quoi, écarte-toi bien des... Enfin, mets-toi vraiment dans le noir le plus complet et prends bien tes respirations et tout et ça va aller, je suis sûre. Ok, bah nickel. Et autrement, tu peux nous écouter jusqu'à 23h. Ouais, tu veux qu'on parle tout doucement pour pas trop te réveiller, ouais, si tu veux. On peut parler comme ça. Oh, une petite berceuse, ça pourrait être cool. Bon. Ok. Bah, je te souhaite une bonne nuit. Bonne nuit, Thibaut. Bonne nuit. Salut, Thibaut. Bientôt, Thibaut. Quand tu veux, tu reviens dans l'émission. Gros bisous. If you take me out tonight, I know you can change my mind. Yesterday we were over, but today I'm feeling closer to you. Ring, ring. Hello, you there? Real talk, you got me going crazy. Hello, you there? Are you out somewhere with your baby? Hello, you there? Real talk, you got me going crazy. Hello, are you there? You there? You there? Ring, ring. another. If you make it out alive, maybe you can make this right. Maybe you can make this right. Oh. Cause so many times I told you, the next time I'll be colder to you. To you. No more late night Ubers, baby. I'm not coming to your house. Are you crazy? You said you were home, but I saw on your story you out to the morning, not alone. So now you're gonna call, ring ring. Hello, you there? Real talk, you got me going crazy. Hello, you there? Are you out somewhere with your baby? Hello, you there? Real talk, you got me going crazy. Hello, hello. Are you there? You there? You there? Ring. Drop top 2 seats. Sketch, sketch. We in Vegas. Ooh, I made it. Ooh, I made she it. Wanna take a picture with me cause I'm famous. Cause I'm famous. Count the money up, I know they hate it. I know they hate it. It was a one night, we never dated. Ooh. Made back in the back and we faded. And we faded. Stacking out the paper, we got paid. We got paid. And I'm straight. Straight. They gon' hate. They gon' hate. Hello, I'm pulling up right at 8. Ring, ring. Mike retourne à Belgique. Je m'en bats les couilles. Sur Fun Radio. Et tous les soirs, on est là sur Fun Radio. Du dimanche au jeudi, du lundi au jeudi, c'est de 20h à 23h. Le dimanche, on vous retrouve un peu plus tard. Minuit. Exactement. Pour bien terminer la semaine ensemble. Dans la bonne humeur et ma la petite Lorenza avec. Oui, je voulais pas le dire, ça faisait trop ringard. Non, ah, ben je suis là pour rattraper le coup dans la ringardise, voilà. Cette émission, je vous rappelle, conserve son titre d'émission la plus ringarde de la bande FM et voilà. On en est fiers. On va retrouver Elisa dans quelques instants qui, je crois, veut faire un test de fidélité avec toi, Lorenza. Ok. Et pour le moment, j'ai pour toi une étude qui vient de sortir, Lorenza. Étude. C'est dans la presse, c'est une étude alarmante qui concerne les allergies. Ok. Est-ce que t'es allergique? Oui. À quoi? Alors au boulot, c'est à l'arbre. Ah, oui. J'ai cru que tu nous faisais une bonne vanne. Eh non. Eh bien écoute bien, à cause de la pollution et notamment de l'utilisation des pesticides, mm-hmm. les allergies sont en hausse. Selon de nombreux allergologues, dans moins de 10 ans, une personne sur 10 sera allergique dans ce pays. Ouh. Contre à peine 5% au début des années 70. Ah ouais. T'es pas allergique? Parce que toi, t'es allergique au relou, sinon. Ouais, aussi, vachement. Bah, je vois pas pourquoi. Sinon, tu m'aurais forcé à faire l'émission dans un caisson. Parce que les gens ne savent pas, mais moi, je suis dans un caisson, là, il y a une vitre et tout. Non, mais c'est vrai. Bon, alors, le seul problème, c'est que tu m'as pas laissé sortir depuis 2 semaines maintenant, mais ça va, je vis bien. Je vais te donner à manger. J'aurais pensé à me faire sortir, s'il te plaît. Promis, je vais y penser. C'était sage. MHD arrive dans quelques instants, et bah, tout de suite, on va dire bonjour à Elisa qui est là. Salut, Elisa. Salut. Salut. Salut Elisa, bienvenue Salut dans l'émission. Qui. Ça va bien? Oui, nickel, et vous? Bah ouais, tranquillement. Tu passes une bonne soirée, l'émission te plaît, ça va? Ouais, j'adore. Ok, bah c'est cool, ça fait plaisir Elisa. Ouais. T'as 23 ans, t'appelles de Péronne. Voilà, exactement. Et tu sais qu'ici on allie l'utile à l'agréable. Enfin, si je veux dire, parfois ouais, c'est d'ailleurs si c'est très désagréable. Eux, mais... Parce que tu nous appelles pour faire le Lorenza full bordel, à savoir le test voilà, de fidélité. Tu es voilà. en couple avec Thomas, il a 25 ans et il vient de tourner, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement ça. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 2 ans et demi. Et vous êtes connus comment? On s'est connus à l'école, hein. Ça date de longtemps quand même. Bah, 2 ans et demi, ça va, c'est pas non plus. Ouais, ouais. Non, non. Vous connaissiez d'avance ça? Ouais, voilà. Ah, ok. Vous n'avez pas encore passé le. On a fait une petite pause. Vous avez déjà passé 3 ans ensemble? D'accord. Voilà. Donc c'est du renouveau. Tu vois, c'est le fameux cap voilà. des 3 ans. Ah, encore ouais. une qui n'a pas réussi à passer à ce cap. Elisa. Voilà. Oui. On va tester Thomas dans quelques instants, d'accord? Tu bouges pas? Oui, ça va. Elle habite dans ma ville. Quand elle me croise, elle me vesquille. 5 ans que je la vois. Dans mon bâtiment, c'est ma voisine. Je connais ses frères, c'est méga sûr. Même plus grand que moi. Quand elle me voit, un petit sourire et elle s'en va. Bref, on n'a jamais tapé la discute. Elle m'ignore grave. La go m'intrigue, mais si je parle, je suis dans le beau drap. À croire que je n'en vaux pas la peine. Je devrais pas, mais j'avoue, j'ai la haine. En fait, elle m'attire, comment lui dire? Une histoire d'amour peut attirer en lui. Hey, hey, ma belle, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Mon cœur va chez là pour toi, ma bella. Aïe, aïe, aïe, aïe, c'est hey, ma belle, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. D'avoir un sourire, un regard ou un petit câlin. Aïe, aïe, aïe, aïe. Seen a lot of girls in my life, now I've seen you, I can't move on. You wind up that waist, making me dance, now I can't move on. Oh my girl so sexy, the way she dance so sexy. So she give me love sexy, you may give me once more sexy. Girl, with your sexy body, come and chop my money, yo. Aye, aye, aye, aye. Oh yeah, take all my money, put them for your head. Aye, aye, aye, aye. Make we my they go, baby girl, so aye, aye, aye, aye. Make you follow me, go make you chop all my money. Aye, aye, aye, aye. Qu'elle va trouver le bonheur. Elle est rentrée dans ma life et mon cœur elle a mis game over. Hey ma bella, hey. Aïe aïe aïe aïe. Mon cœur va chier là pour toi ma bella. Aïe aïe aïe aïe. Hey ma bella, hey. Aïe aïe aïe aïe. Mon cœur va chier là pour toi ma bella. Aïe aïe aïe aïe. Et numéro 1 sur les conneries le soir en Belgique, forcément c'est Fun Radio, merci de nous avoir choisis. Différent de tout ce qui se passe à la même heure sur la bande FM, grand open space de tolérance, de liberté, vous débarquez en direct au 02851 4x0. Et il y a du gros son ici, dans quelques instants on va se faire Jonas Blue, Dimitri Vegas, Lake Mack de Calais aussi. Jonas Blue qui sera au festival Lollapalooza, donc si vous voulez encore vous inscrire, vous pouvez vous envoyer un petit message festival 6322 pour 1€ le message. Attention les gars, c'est le dernier jour, enfin demain on aura le grand sélectionné de la semaine chez Samy et Chloé entre 16h et 19h. On sent que c'est Axel qui t'a formé. Ah, j'enchaîne. Alors on se fait quelques news inutiles. Ah ouais, j'adore. Tranquillement, voici de vraies infos que vous aurez oubliées dans 5 minutes. Et le mieux dans ces news inutiles, c'est même pas les infos en elles-mêmes, c'est ce générique. Ah, oh, c'est vrai. Attention, c'est les infos. Écoutez bien de vraies infos que vous aurez oubliées dans 5 minutes. Les rats et les chevaux ont une particularité en commun, d'après toi. Une longue queue, je sais pas, non. Ils ne peuvent pas vomir. Sérieux? C'est une vraie info. À toi, Lorenza. Le vrai nom de Joey Star, c'est Didier Morville. Il fait mal malin, Didier Morville. Voilà. Fais-en une petite, ma petite Lorenza, s'il te plaît. Les mariées chinoises sont en rouge. D'accord. Voilà. À l'inverse des mariées européennes. Voilà. Il existe des casquettes qui protègent le cerveau des mauvaises ondes. J'ai vu la gueule des casquettes, ça te protège peut-être des mauvaises ondes, mais pas d'une gueule de con, c'est tout. Ouais, c'est tout. C'était les infos. Là, tu le tiens, Lorenza. Hey, j'étais chaud, hein. Allez, à tout de suite. Dans moins de 3 minutes, c'est le retour des délires. Jusqu'à 23h, Mike sur Fun Radio. Mais oui, mais non, mais tout ça, c'est à cause des internets. Hein. C'est parce que les gens sont planqués derrière leur écran. Oui, mais pendant ce temps-là, les migrants, hein. Et à la fin, boum, t'as Fukushima. Allez. Parce que vos enfants méritent une autre vision de l'info que celle de l'oncle Henri, le JDE est spécialement conçu pour eux. Avec le JDE, t'as tout compris. Offre spéciale sur le JDE.be.

On est là dans la radio jusqu'à 23. Il est 21h58. On est en direct avec ma petite Lorenza. Ouais, je suis là. Coralie d'amour aussi qui décroche. 02 851 4x0 pour vous inscrire pour un jeu. On vous attend, la famille. Rejoignez-nous, rejoignez la famille Fun Radio. Vous pouvez aussi balancer un petit message en privé si vous êtes un peu timide. Le Facebook est là pour ça. C'est Mike sur Fun Radio. Tout à l'heure, il y a la voyance en direct avec Alex D. On parlait de Thibaut tout à l'heure qui n'arrivait pas à dormir. On nous dit sur les SMS parce qu'on lui a conseillé de boire du lait avec du miel ou alors de se toucher. Thibaut, tape-toi une branlette avec du miel, là, on nous dit. Merci. Moi, j'ai un conseil pour qu'il dorme, qu'il se touche avec un film. Ok. Vous restez dans ce genre-là. En tout cas, il faut se toucher pour dormir, apparemment. Moi, le film ou la série connue que j'ai pas regardé parce qu'on en parlait aussi ça tout à l'heure. C'est Star Wars, Casa de Papel, Harry Potter, tous les Harry Potter. Les Harry Potter. Ou les 50 nuances de Grey. Oh, c'est vrai que Casa de Papel, tout le monde regarde. Ouais, non, plus, mort, pas ça... non mais attends, Harry Potter, on parle là surtout. Ah, mais, non mais laisse-moi parler de Casa de Papel. C'est vrai que c'est la série qui cartonne. C'est la série Netflix avec les noms de villes là. Ouais, c'est ça. Rio, Tokyo, nanana. T'imagines, ils auraient fait ça en Belgique. Ça aurait fait Charleroi, Verviers. Waterloo. Ça l'aurait pas fait, tu vois. Ah non, vraiment pas. On va récupérer dans quelques instants. Bah, on va le faire tout de suite, Elisa. Il y a Martin Solveig aussi qui arrive dans quelques secondes sur Fun Radio. Vous débarquez en direct au 02 851 4x0. Mon standard vient de planter totalement. Hop, si je fais ça, ça marche. Allô, Elisa? Oui. Bon, Elisa, tu as 23 ans, t'appelles de Péronne, t'es en couple avec Thomas, 25 ans, tournée, et tu veux faire un test de fidélité à Lorenza Full Bordet. Voilà, c'est ça. Mais quoi, t'as des doutes sur lui? Comment ça se fait que tu veux le tester ou tu veux juste t'assurer que ce soit un mec bien? Bah, en fait, non, à la base, quand on s'est rencontrés, on était ensemble, il m'avait trompé, en fait, avec une autre fille. Et en fait, on a fait une pause de 3 ans, puis on s'est donné une deuxième chance. Et là, ça fait 2 ans et demi que ça se passe bien, qu'il y a de la confiance dans notre couple et tout ça. Donc, je me dis, voilà. Enfin, c'est juste pour me rassurer. Je pense qu'il m'est fidèle. Donc, voilà, c'est juste pour me rassurer. C'est pour voir si surtout il recommence pas ses conneries de la première fois, c'est ça? Voilà, mais ça, je ne pense pas. Et la première fois, comment t'avais capté qu'il te trompait la première fois? T'avais fouillé? T'as surpris? Dans son téléphone. En fait, pendant qu'il dormait, j'ai regardé par curiosité. Et en fait, je me suis rendu compte que ça faisait quelques mois, voire beaucoup de mois, qu'il me trompait avec une autre fille, quoi. Super. Ouais. Ouais. Une fille que tu connaissais ou pas? Voilà, oui, en plus. Non, donc, j'ai pardonné, vu qu'on était jeunes. Je l'ai pardonné. Donc là, je me dis qu'il est un peu plus sérieux. Donc, on va voir. Ah, on va voir. Bon, bah on va voir, Elisa, ouais. On va appeler. Lorenza va essayer de foutre le bordel dans ton couple. J'espère, comme d'habitude, qu'elle n'y arrivera pas. Même si elle a du talent pour ça, Lorenza. Je m'applique. Alors, 02851 4x0. Et si ça tourne mal, tu pourras. Tu pourras péter ton cap sur lui. Promis. Ça va. Mais ça va bien se passer. Allô? Oui, bonjour, Thomas? Oui. Oui, ben voilà. En fait, je t'appelle. Voilà, tu me connais pas. Si je m'appelle Lorenza. Oui. Et ben en fait, j'ai eu ton numéro grâce à ton meilleur pote Christopher. Oui, oui. Parce que j'ai passé une petite soirée au Mojito l'autre fois à Tournai. Oui, moi j'y étais mercredi. Ben voilà. Et en fait, je t'avoue, tu m'as tapé dans l'œil. D'accord. Et je suis un peu timide et tout, donc j'ai pas voulu t'aborder le soir même, mais comme je connais un peu Christopher, je me suis dit pourquoi pas demander à Christopher un petit coup de pouce et demander ton numéro. Et j'hésitais entre un SMS, j'hésitais entre plein de trucs, et puis je me suis dit lance-toi et appelle-le et dis-lui cash, quoi. Bah, tu fais bien appeler. Allez, faut pas être timide, ça a rien d'être timide, quoi. Ouais, mais tu sais, on sait jamais comment ça va se passer et tout, si je me prends un gros râteau ou si, enfin, on sait jamais, tu vois. Donc voilà, c'était pour te dire que je te trouvais juste magnifique. Bah, si tu veux, après on peut trouver un moment pour se voir et tout ça, ça sera plus simple que par téléphone. Carrément, comme ça, toi tu sautes sur le truc. Ah bah parce qu'après, attention, je vais pas te mentir. Oui. J'ai déjà deux copines, quoi, parce que j'aime bien m'amuser. Pardon, t'as deux copines? Oui, j'ai deux copines, parce que j'aime bien m'amuser, quoi. Ok. Et les histoires sérieuses, ça t'intéresse ça pas. Ça me dit trop rien pour l'instant, parce que même avec ma première copine que je suis encore avec là maintenant, ça fait plus ou moins 2 ans et demi que je suis de retour avec, parce que voilà, quoi, j'allais voir ailleurs, elle m'a pisté. On va dire il y a eu une rupture et là on avait recommencé, ça fait 2 ans et demi, mais j'ai toujours le même délire à aller voir ailleurs, quoi. Ah, ok. Mais je préfère te prévenir. Ouais, non, tu fais bien. De toute façon, moi je t'avoue que je suis pas quelqu'un qui avait envie de s'engager carrément, j'avais plutôt envie de m'éclater et tout, donc voilà, ça tombe bien. Mais et quoi, tu fais ça souvent comme ça, tu te dérange pas? Bah là, allez, j'ai déjà deux copines, et pourquoi pas trois, on dit toujours, hein, jamais 203. Mais okay. Sinon, ouais, moi j'aime bien faire ça souvent. Ok, et quoi, ça te dérange pas de pas savoir quand même, enfin, je sais pas si tu vois à quoi je ressemble et tout, ça se peut, je suis pas à ton goût, enfin, tu sautes comme ça direct sur le cas, une meuf t'appelle avec, enfin, je sais que ma voix est peut-être un peu sympathique, mais si tu sais pas à quoi je ressemble, toi tu sautes comme ça dedans. Bah, c'est pour ça que le premier rendez-vous. Ah, ok, tu comptes sur ça, quoi. Mais donc toi t'as pas peur, t'y vas comme ça. T'as déjà eu ce genre de cas où une meuf t'appelle et tu lui donnes rendez-vous et tout comme ça? Franchement, oui, ouais, j'ai déjà eu la situation plusieurs fois. Ok, bah écoute, je suis assez impressionnée. Oui, du coup, moi aussi. Tu vas pouvoir lui passer personne. Oui, si tu veux, j'ai une pote aussi qui est super intéressée, donc elle va pouvoir un peu prendre la température avec toi. Je te la passe, ça va? Bah pourquoi pas, bah oui. Merci. Allô? Comment rigoler? Oui, allô? Allô, Thomas? Oui. C'est moi, ta première copine. Tu te fous de ma gueule? Tu te rappelles? C'est Elisa. Tu te fous de ma gueule, en fait? Non, quoi. Mais après, voilà, quoi. Tu sais très bien que j'aime bien m'amuser. Je te l'ai jamais caché, quoi. En fait, tu te fous de ma gueule, là. Donc, t'as deux copines. Tu dragues une meuf comme ça que tu connais pas par téléphone, comme ça, au calme. Mais t'es qu'un petit déjeuner. Bah non, mais après... Ça fait deux ans et demi qu'on est ensemble, putain de merde. Ouais, mais si ça te plaît pas, ben la porte elle est là, tu le sais. Bah ouais, mais tu sais très bien que... Ah, c'est un tarbat. Je m'en fous de ça. Mais t'es un putain de fils, putain de deux ans et demi, gars, là, laisse-moi parler, d'accord? Moi, je te présente à mes parents et tout, à mes potes et tout, et toi, tu me trompes? Bah, normal. En plus, deuxième chance. Normal, quel enculé. Deuxième chance en plus, quand même, le mec. On nous dit au 3044, vous allez finir par avoir vos pneus crevés avec ces conneries de test de physique. Ouais, j'ai peur. Des fois, je me retourne dans la rue en mode... Allô, Thomas, je t'explique. Je m'appelle Mike. Allô, oui, il y a Lorenza. Et ouais, malheureusement, Elisa, ta copine, est avec nous. Elle nous a appelé parce qu'elle voulait tester ta fidélité. Et je crois que elle a sa réponse. Vu que t'avais déjà fait bêtises et qu'elle te redonne une seconde chance. Et toi, t'es le bâtard. Par la grande définition du mot bâtard, c'est toi. Tu représentes assez mal la gente masculine. Là, pour vraiment, le coup, mais bon, J'ai juste envie de mettre des claques. Mais t'as l'air d'en avoir rien à foutre. Attends, Thomas. Il est zen. Franchement, elle le sait très bien. Moi, elle sait que je l'aime et tout ça, mais que j'aime bien aller voir ailleurs. Non, c'est ça derrière son dos. La première fois qu'on s'est mis ensemble. Elle a déjà pu le voir, que j'avais plusieurs relations. Ah ouais, donc pour toi, elle te prenait comme ça, et pour toi, c'est un de tes traits de caractère, et tu reviendras pas dessus, quoi. C'est ça, tu pécho à droite, gros, à gauche, quoi. Tu fais comme ça, et voilà. Ouais. Qu'est-ce que tu croyais? Tu baises avec moi, tu baises avec d'autres, même si je fais pareil. Un minimum de culture, les gars. Bon, écoute, Thomas, reste dans ta connerie. Écoute, tu finiras seul, mon pote, si tu continues comme clair, ça. Ça, c'est clair. Seul avec plein de chats. Ça va, j'ai encore des coups de téléphone, à voir. Fais pas trop le malin, on verra quand tu seras plus vieux. Non, parce que, c'était. Je te souhaite de finir seul, Thomas. Le mec est trop zen, quoi. Ouais, non, franchement, ça me tue. Ouais, ça me tue. Et t'as la pauvre Elisa qui est limite en train de pleurer. J'ai perdu 10 de retrouver. Ouais. Regarde, elles sont devant ta porte, les 10 là. Vas-y, ouvre la porte. Je peux dire quelque chose? Ouais, vas-y, parce qu'il est en train de me rendre fou. Voilà. Vas-y. Je voudrais dire à la Belgique entière que Thomas a une petite bite. C'est mérité. Allez, vas-y. Venir vérifier, quoi. Elle nous envoie des photos. T'inquiète. Quand on a la rage, on va dire n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Non, on t'a cramé, t'inquiète. Bon, Thomas, on te laisse avec ton petit zizi, ton petit engin. Voilà. Et je te remercie. Et pas à bientôt. Non, c'est pas cool parce que j'aime pas qu'on fasse de la peine aux auditrices. Et puis là, Elisa est toute triste, la pauvre. Tu m'aimes, il assume. Après, j'avais dans la tête de lui avouer quoi que. Oui, c'est con. On l'a fait avant toi. Bon, on va te laisser. Je te laisse la rappeler en antenne quand même, Thomas. Et essaye d'être un petit peu plus gentleman, s'il te plaît. Merci, Elisa. Oui. Je suis désolé, Elisa. Ouais, moi aussi, Elisa. Tu pleures pas, c'est un connard, Elisa. Connard. Mais le pire, c'est que t'es arrivé avec tes certitudes et puis que finalement tu t'es trompé, mais ça arrive. Et puis, de toute façon, Kin s'est fait tromper. Et encore un gros connard de déceler. Enfin, tu vois, Faut voir le verre à moitié plein, ok? Ouais. Voilà, ok, vous avez raison. Je te fais des bisous quand même. Merci beaucoup. Raccroche pas, entre parenthèses, raccroche pas. Voyons en direct sur Fun Radio, c'est dans un instant. Et pour le Sundance Floor, voici Martin Solveig. Oh, c'est dur quand même, Lorenzo. Oh, c'est la dernière. Got me on hold, but I keep waiting for you. hold, but I'll keep waiting for you. For a minute you can use my love. Vous sur Fun. Et si vous disiez stop à la déprime? Stop. Mike, le soir, sur Fun Radio. Fini les soirées galères, à plus savoir quoi regarder à la télé. On est là pour vous occuper, les amis, jusqu'à 23. Et à 23h, ce sera le poteau de Davy et toute sa team d'influenceurs pour le Tout est possible. Bon, il cherche toujours son kicker, donc on va l'aider un petit peu. On relance oui, le truc. Les gars, si vous pouvez aider Davy qui essaye de réaliser le rêve d'une institutrice cette semaine, balancez un petit message au 3044 ou sur le Facebook. Là, et tout puis, est possible. On filera les coordonnées à Davy. Merci, toi, Dredd. 22h11 sur Fun Radio. Dans quelques instants, on va jouer au boss de la cinquième question ensemble. Vous pouvez vous inscrire au 02 851 4x0 pour gagner du cadeau, pour gagner votre sélection pour le Lollapalooza aussi. Ouais. Puisqu'il nous reste une petite place, les amis. On fera ça sur le boss, je pense. Vous pouvez vous inscrire. Ouais, vous envoyez le mot festival au 6322 et vous irez le week-end prochain à Berlin. On vous gère tout, le transport depuis la Belgique, l'hôtel et les places pour le festival pour vous, la personne de votre choix, pour aller voir sur scène. David Guetta, Armin Van Buuren, oula, Jonas Blue, Dua Lipa, il y en a plein, il y a même Dadju et tout, donc voilà. Allez-y. C'est vraiment un beau programme, vous allez kiffer là tout le week-end grâce à Fun Radio. En envoyant maintenant Festival au 6322, on fait un sélectionné encore chez nous. Il reste une petite place pour le tirage au sort de demain chez Samy et Chloé entre 16 et 19. Il y aura Axel Ingrosso. Ouais. Ça, c'est dans un instant. Jason Derulo calé aussi. On écoutera du Moziman. Martin Garrix. Tiens, David Guetta, on va le retrouver avec Anne-Marie tout à l'heure. Et on va dire bonsoir. Qui est là au téléphone? Allô, allô. J'ai pas ma salle. Oui, c'est Damien. Ça va, Damien? Ça va et vous? Bah ouais, tranquille. Super. Bienvenue dans l'émission, la journée s'est bien passée, Damien? Oui, super, et vous? Bah ouais, ça va. Tranquille, c'est la dernière de la semaine pour nous. Tu vas faire quoi ce week-end, toi, Damien? Bah, je sais pas encore, rien de prévu pour l'instant. Okay. Tu vas peut-être passer ton week-end avec ta meuf. Est-ce que tu nous appelles pour sûrement, ça? Oui, parce qu'allez, j'ai un petit souci, quoi. Alors vas-y, dis-nous tout. En fait, si vous voulez, je viens de me mettre en ménage avec ma copine. Ouais. Mais disons que quand je dois aller aux toilettes, j'ai un blocage complet. Oh, c'est trop mignon, je trouve ça mignon. Quoi, t'oses pas j'ai faire à côté d'elle? J'ai un blocage complet parce que j'ai peur de faire du bruit qu'elle m'entende et tout ça, donc ça fait que j'arrive même pas à faire. Je suis obligé d'attendre qu'elle part bosser et tout ça pour savoir aller, quoi. Et comment, ça fait combien de temps que vous habitez ensemble? Bah allez, ça fait à peine 2 mois qu'on a la maison. Ça fait 2 mois que tu n'es pas allé aux toilettes. Ça fait non, oui, on comprend. Quand elle est là, oui. Mais allé pour uriner, si, je suis allé aux toilettes, mais oui, pour pas la pour la grosse commission. Quoi, on va dire. Bah, dites-nous alors si vous avez des conseils au 3044 pour Damien qui n'ose pas faire quand popo quand sa copine est à côté. Mais ça se comprend, en même temps c'est le début du couple, ouais, et tu veux pas ça. Briser. Mais vous dormiez déjà ensemble avant, donc peut-être que, enfin, j'imagine que vous dormiez déjà ensemble avant d'habiter ensemble. Oui. Et donc ça, du coup, allez, on dormait ensemble. Et comment ça se passait quand vous étiez l'un chez l'autre? C'était la même chose? C'était un peu le sujet tabou et tout? Ah ouais, ben même quand j'allais dormir chez elle, chez ses parents, ben j'arrivais pas à aller. Ok. Si, ah, t'as vraiment bloqué quoi? Si, ouais, j'ai vraiment un gros blocage sur ça. J'arrive pas du tout. Mais parce que normalement c'est les filles plutôt qui ont un problème. Enfin moi j'ai jamais eu de soucis, mais par contre mes meufs à chaque fois que j'habitais avec elles ou que j'étais avec elles, elles osaient pas. Ouais, moi j'étais je suis d'accord, j'étais un peu gênée aussi, mais j'ai plein de petites techniques s'il veut aussi. Bon, ça marche pour les garçons. Tu vas les donner, mais d'abord je pose une question. Est-ce que vous avez un blocage pour aller au WC quand vous êtes avec quelqu'un que vous ne connaissez pas? Dites-nous sur les SMS au 3044, parce que c'est surtout les filles. Lorenza, tu t'en penses quoi? Vous avez peur de quoi? Bah, c'est ça casse le mythe, tu vois. Ça casse. Non, mais t'as peur qu'on ait l'oreille collée à la porte. Mais non, mais tu vois, un petit plouf, c'est pas super sexy, tu vois. Parce qu'on a vraiment l'oreille collée à la porte quand vous faites ça, je vous le dis, les filles. Ah non, non. Non, c'est vrai que les filles, vous êtes des princesses si vous faites popo des paillettes. Alors, on se doute bien en même temps que vous allez aux toilettes, c'est pas pour les manger, quoi. Donc, quand vous passez 10 minutes dedans. En fait, Coralie, vous ne voulez pas laisser de preuves. Exactement. Jamais, on n'en laisse jamais. C'est-à-dire qu'en cours de science, à l'école, on devrait nous apprendre que les hommes font popo, mais les femmes, c'est une légende. Elles ne le font pas. Au 3044, on nous dit t'as qu'à dire que tu t'as mis sur ton téléphone, sur ton smartphone. C'est un peu chelou. Ouais, c'est pour justifier le temps que tu passerais à l'intérieur. Ouais. Disons que j'écoutais une musique alors et c'était la basse quand il y a le plouf. Bah, tu vois, t'as des techniques. T'as qu'à mettre du papier au fond, nous dit au 3044. Ça marche bien. J'ai déjà testé, approuvé. On nous dit t'as qu'à... Je vais essayer. Tu prends des laxatifs et tu pourras pas t'empêcher. Ça c'est dégueu. Tu risques une occlusion intestinale, il faut pas te retenir, on nous dit. C'est Marie qui nous dit ça au 3044. On a reçu aussi un petit SMS qui dit mettre Fun Radio au WC pour couvrir les bruits incongrus. Ça marche toujours. Mais sinon, t'as qu'à la larguer et tu la rappelles quand t'as fini, genre ouais, j'ai fait une erreur, chérie, reviens. Quoi. Ça peut marcher. Tous les jours. Je pense pas qu'elle va accepter. Lorenza, t'as une technique? Ouais, sinon, tu brûles une allumette et ça cache toutes les odeurs. Ah ouais? Bah, c'est même pas les odeurs en plus qui me bloquent. Ah, hein. C'est le bruit. Vraiment le bruit. Ouais, avec cette technique, t'as un risque du prout enflammé. Je ne sais pas si vous avez déjà fait un prout enflammé. Je vais pas jamais vous donner l'astuce. Les enfants, ne faites pas ça à la maison. Jamais, nous sommes jamais. Des professionnels, on le rappelle. Écoute, j'ai pas de solution, mais faut que. Si, le papier, franchement, ça marche. Bon, c'est pas bien pour l'environnement, mais t'en mets pas trop. Mais je te jure que ça masque le bruit à fond, quoi. Et ta petite musique en même temps. Et voilà, c'est humain, donc n'aie pas honte. Surtout dans quelques semaines, t'auras beaucoup plus confiance et. J'irai à la porte ouverte, je t'en assure. Voilà, tellement classe. C'est classe. Et ben voilà. Une belle affaire de régler. Encore, voilà. La société avance encore grâce à Fun Radio. Ouh. Ça fait plaisir. À bientôt, Damien. Gros bisous, Damien. Bisous. Faire une petite dédicace. Fais-toi plaisir. Moi, j'aimerais bien faire une petite dédicace à deux amis, Marcelin et Cyril. Marcelin, c'est sympa ça. Bah, big up à Marcelin. Ouais. Et à Cyril. Salut mon pote, à bientôt, tu reviens quand salut, tu veux. Bonne soirée à l'équipe, merci à vous. Hein. Pour faire comme lui, 02-851-4x0, il m'a vendu du rêve, Damien. Il était énorme. Bonne soirée, dans quelques instants, on va retrouver Mamie Simone. Ce sera Radio Simone sur Fun Radio. Avant ça, il y aura Axel Ingrosso, c'est tout de suite. Et il y aura surtout Alexé, c'est ce que je voulais dire. Notre voyant médium qui sera là comme tous les soirs pour la voyance en direct. Les questions, vous lui posez sur le Facebook, mec, sur Fun Radio. In a sea of people, see her smiling. Something about her body caught my eyes and I can't seem to look away. Oh, she's floating, bumping into strangers like they're nothing. Acting like she knows she's hiding something. Yeah, I can't take my eyes away, no. It's like I've seen her face before. I know, but I don't know for sure. My friends ain't with me anymore. Oh, I've gotta know. Why she dancing alone? Why she dancing alone? Did she come on her own? Seems so lost. So why does she keep on dancing? Dancing alone. Why she dancing alone? Why she dancing alone? Did she come on her own? Seems so lost. Why does she keep on dancing? My friends ain't with me anymore. dancing alone? Why she dancing alone? Did she come on her own? Seems so lost. So why does she keep on dancing? Dancing alone. Why she dancing alone? Why she dancing alone? Did she come on her own? Seems so lost. So why does she keep on dancing? Dancing vous. Toute la Belgique en entier, on est là tous les soirs. On fout le feu dans tout le pays, juste comme ça, juste pour s'amuser. Venez comme vous êtes, 20h-23h, Mike, le soir sur Fun Radio. Et quelle que soit la somme d'argent que vous touchez en fin de mois, votre origine, votre religion, chrétien, juif, musulman, athée, ramenez-vous. 02 851 4x0. On est là, tranquille, en famille. Et vous êtes tous les bienvenus. Il y a Lorenza, on l'a pris, donc c'est la preuve qu'on accepte bien tout le monde. Je le savais, je le savais. Coralie également qui décroche au standard le numéro pour t'appeler ce soir. Le 02 851 4x0. Donne-moi de te dire, Coralie, que tu ne fais pas beaucoup d'interventions dans cette émission, mais ça, tu le tiens, ce numéro. Ah, redis-le. 02 851 4x0. Bravo. 44 pour SMS. Et attends, c'est gratuit de fixe à fixe, il faut le préciser quand même. Ah. C'est pratiqué. Ou sinon, totalement gratuit, il y a la page Facebook aussi, c'est Mike sur Fun Radio. Ou les SMS au 3044, ça c'est un peu plus cher, c'est 50 centimes. On nous dit, sinon tu peux tirer la chasse d'eau au WC. Ah oui, c'était pour notre auditeur Damien là, qui n'osait pas aller aux toilettes. Aux toilettes quand il y avait sa copine à côté. C'est vrai que s'il tire la chasse d'eau, bon ça marche du coup. On nous dit, faut le prendre sur le ton de la rigolade. Je vais envoyer Bruno toute la nuit au 6322. J'abandonne pas mon rêve. Ah oui, tu m'étonnes, puisque demain, okay. Bruno, la team de Bruno, euros. Bruno dans la radio, oh, 10 000 euros. 10 000 boules. Voilà. C'est incroyable. Oh, c'est énorme. Ouais, ouais, attends. On accueille Mehdi qui est avec nous. Salut Mehdi. Salut, salut Mike. Ça va bien Mehdi. Salut Mehdi. Ah, mais quel bonheur là. Salut tout le monde. Ah. Quoi. Quelle ambiance, quoi. Ça fait du bien. L'émission te plaît, Mehdi? S'il te plaît. L'émission te plaît, ça va, ça te correspond? Bah franchement, bah écoute, cette énergie est extraordinaire, quoi. Cette on est sur cette ouais, cette bonne attitude. Je dois vous dire quelque chose de très grave, hein, d'abord. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, avec vous, j'ai pas honte de le dire, j'ai 60 ans, il y a quelques jours, et avec vous, bah je retrouve mes 20 ans, quoi. Je ne sais oh, pas. C'est mignon. Non, franchement, voilà, c'est extraordinaire. Je vous encourage, mais simplement, j'ai envie de dire une chose. Ouais. C'est que mon cœur, normalement, il bat 62 à la minute. Maintenant, il a 98 à la minute. Oh, ah merde, non, je ne veux pas être. Mais ce que tu fais de temps en temps, tu fais un tour sur Classique 21, ça fait baisser les, oui, la voilà, pulsation comme ça. D'accord. Ah, bah, ouais. Non, avec plaisir. Mehdi, tu nous appelles de Saint-Gilles. Eh, ton coup de fil, franchement, ça fait chaud au cœur. Ah, vraiment, ça fait super plaisir, Mehdi. Ça me fait plaisir aussi. Bah écoutez, imaginez-vous que je suis encore en magasin, à la petite épicerie. Ouais, c'est ça, parce que. Ma pub, si vous permettez. Mais ouais, tu nous as dit sur le Facebook, tu as envoyé un message sur le Facebook, tu nous as dit que tu avais une épicerie un petit peu particulière, avec des produits que tu vends, c'est un petit peu particulier. Vas-y, raconte-nous. Bon, enfin, ce que je vends, je suis une épicerie, mais vraiment classique, hein. Ben, j'ai des insectes pour un peu particulier, mais bon, mais sinon, c'est une épicerie classique qui vend de produits, d'alimentation et tout ça. D'alimentation et tout ça. Mais t'as surtout des insectes. Non, pas surtout les insectes. Non. C'est un élément qui est là, mais c'est pas ça le plus important au magasin. Le plus important au magasin, c'est l'amitié, c'est l'amour, la bonne humeur. Ah, ok. Quoi, on peut te payer en amitié? Tout à fait. Non, c'est pas les produits qui sont bio, c'est nous qui devrons être biologiques d'abord. Quelle belle parole, Mehdi. Mais Mehdi, magasin, c'est ça d'ailleurs, oui. C'est toi qui nous a ramené les insectes hier pour Daniquet. Oui, tout à fait. Ça oui, lui a fait très plaisir. Je sais pas si la vidéo est dispo, Coralie, sur le Facebook, Mike sur Fun Radio. Pas encore. Eh ben, bravo. Demain. Sera dispo d'ici 2019-2020. un peu de patience. Mais t'iras voir la tête de Daniquet quand il mange les insectes, c'était mieux. Et j'ai quand même quelque chose à dire, c'est qu'on a tous kiffé tes insectes, hein. C'était super bon, hein, Mehdi. Ça fait plaisir, hein, mais il y en a encore. Si vous voulez faire gagner quelques-uns, c'est avec plaisir. Ouais, c'est vrai, hein. On peut faire gagner des paquets, deux paquets à offrir. Ah, on cool. passe au magasin de 8h à 20h, 6 jours par semaine. Je continue à faire ma pub. Hein, vous voyez. Ça, ça, mais t'as raison, mais de toute façon, on va mettre l'adresse. Mehdi, tu déchires tellement. Et t'as quoi comme insecte, en fait? Tu vends quoi comme insecte, exactement? En fait, c'est un mélange d'insectes qui vient d'une petite firme bruxelloise. Ouais. Hein, qui fait ça comme... on appelle ça un apéri insecte. Hein. Ah, c'est pour l'apéro, en fait. Pour l'apéro, voilà, voilà. Et t'as quoi? Il y a des grillons, il y a quoi? Et la firme s'appelle Bugood. B-U-G-O-O-D. Je fais la pub aussi. De... On a bien compris, oui. Voilà, il est bien. Et il y a des grillons, il y a de verre, il y a plein de... Il y a des larves avec plusieurs goûts. Non, pas de larves. Non. T'as pas des grosses larves gluantes comme à Koh Lanta, là? Ah, c'est ça. C'est franchement, bon, je vous ai dit que j'ai 60 ans, hein, donc j'arrive pas à lire exactement les ingrédients à 100%. Je vous l'ai dit, hein. On va te présenter Nani Simone. Le duo doit être magique. Je vous accueille, on déguste et on boit un verre avec ça. Avec plaisir, Mehdi. Bah, tu sais quoi, ce qu'on fait, c'est que les deux premiers auditeurs qui nous envoient des messages maintenant au 3044 Fun Radio, attention, après vous avoir offert 9000 euros ce matin, ce soir, on vous offre des insectes sur Fun Radio. Non, mais ça peut être cool pour impressionner les potes et tout, pour faire découvrir. En plus, ça a le goût de la pistache, tiens, le signaler, c'est trop bon pour l'apéro ça déchire. Et ça coûte cher, Mehdi, ou pas? Non, pas du tout. Le paquet, il a 6,90 €. Ah. Mais moi, je n'offre pas un paquet à 6,90 € parce que je suis pas encore riche. Je suis riche avec le cœur, mais pas l'argent. Donc, j'offre des petits paquets pour dégustation, cool. Là où il y a vraiment assez. Hein. Ah, ouais, c'est ouais. Comme les paquets que je donnais à Gaston, là, voilà, c'est les mêmes. Ah, Gaston, le réalisateur vidéo qui est venu chercher ça hier, ouais. Voilà, bah, c'est cool. C'est les deux premiers messages qui arrivent au 3044, vous irez chercher vos insectes. À Saint-Gilles, à la petite épicerie bio. De chez Mehdi. Voilà. 42, chaussée de Waterloo, mes amis. Eh ben voilà. En parlant d'insectes, l'hydrono, ça se mange ou pas? Non, je la vanne. Bon, bonne soirée, Mehdi. Je vais suivre. Hein. Mille merci encore, bonne continuation. Merci à toi. Et attention aux palpitations, Mehdi. Hein. Merci beaucoup. Salut. Ah, bien, il est énorme, Mehdi. Il est génial. Franchement, il m'a rendu viré. Ah non, mais je trouvais que l'émission tombait un petit peu là. Il m'a rehaussé le rythme. C'est énorme. 22h27, on est en direct. On va se faire quoi? Le boss de la cinquième question, c'est tout ça? Tout à fait. On va accueillir aussi Alex D, parce que sinon, on va pas avoir le temps comme hier. Il va faire la tête. Vous pouvez nous appeler pour les questions à la voyance en direct. 02 851 4x0. J'étais en train de le dire. Pardon. Alors vas-y, redis-le maintenant. 02 851 4x0. C'est vrai que tu le fais mieux. Non, toi, t'es quoi? Thinking maybe that you were always a piece of shh. You rubbed in your dirt on everyone's curd. You know how to be a ¿Dónde están tus modales que no aprendiste ni a saludar? Parece que hoy me gustas un poco más. Okay. Talking and let my loving ease your mind. If love's the game, let's play a million times. Mm-hmm. Baby, give it to me. I'll be good company. Baby, mi nombre es Jason Derulo. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la délire. Jusqu'à minuit, Mike sur Fun Radio. Bah ouais, on est là, 22h31 sur Fun Radio. Libertad jusqu'à 23h, vous débarquez 02 851 4x0, 3044 pour envoyer un message, c'est 50 centimes par SMS, attention c'est un petit peu cher. Et puis le Facebook aussi, ça c'est totalement gratos, c'est Mike sur Fun Radio, Lorenza et Coralie qui s'occupent de checker tous les messages. Big Hill, ça doit être big up à Lorenza qui a mon prénom version fille en Audi, hashtag Lorenzo. Ah, big up Lorenzo. Moi aussi je vais envoyer Bruno 6322, bah allez-y, envoyez Bruno 6322 les amis. Demain il y a 10 000 boules à pécho chez Bruno avec toute l'équipe entre 6h. Et 9h, nous allons jouer avant d'écouter Alvaro Soler et Florida. Il y a avec nous Timmy. C'est ça? C'est Timmy. C'est mignon comme prénom. Salut Timmy. Bonsoir. Ça va bien, c'est comme dans South Park. Oui, c'est pour ça. Ah, c'est vrai, ouais. Timmy. Ça va bien, Timmy. Je vais te dire la vérité. Ah, mon prénom, c'est Prem Tim. C'est quoi? Mais c'est Prem Tim. Prem Tim? Oh, c'est original, c'est oui, bien. Mais... d'origine. Oui, c'est kosovar. Ah, c'est cool, putain. Ouais, Prem, ça déchire. Ouais, mais moi, c'est. À chaque fois, c'est ennuyant parce que à chaque fois, quelqu'un il m'appelle printemps. Donc. Et comme tu sais qu'on n'est pas les derniers pour faire des vannes reloues, t'as bien fait. Timmy. Il a changé de nom, Timmy. Ouais. Bah, écoute, donc c'est voilà. Pas du tout un hommage à South Park. Ouais. C'est, Timmy, bienvenue dans l'émission. T'appelles DBX, t'as 26 ans. Et on va jouer ensemble, oui. Timmy, au boss. Et face à toi, il y a Ludivine. Salut, Ludivine. Salut, bonjour. Ça va, Ludy? Ça va, super. Bah, bienvenue dans l'émission, Ludivine. T'as 27 ans, t'appelles de Mons, tu fais quoi dans la vie, toi? Pardon? Tu travailles dans quoi, Ludivine? Je travaille dans l'Eureka, dans la collectivité. D'accord, ok. Ok. À Mons, donc. Nous allons faire un match Mons contre BX dans le boss de la cinquième question. Dans quelques instants, je vous poserai des questions. Et pour le gagnant, il y aura du gros cadeau Fun Radio. Mais pour gagner ce jeu, il va falloir d'abord faire la première manche, histoire de savoir qui prend la main et qui aura donc cet avantage stratégique. Comme je le dis à chaque fois, c'est un avantage stratégique de commencer dans ce jeu, puisque tant que tu donnes la bonne réponse, on continue avec toi en fait. Alors, okay. Nous allons faire le souffle de Mexico. Vous connaissez le son de Luis Mariano, Mexico. Si vous ne le connaissez pas, je vous le repasse. Mexico, Mexico. Oh. Le but du jeu est de tenir le plus longtemps possible, de faire pareil que lui, de tenir le plus longtemps possible sur le I de Mexico. Lorenza, démonstration. Oh non, Mexico, Mexico. J'ai bien fait, non? Attention, t'es en train de passer pour une meuf qui ne sait pas chanter. C'est le cas. Alors, qui veut commencer? Ludivine? Tu y vas? Allez, on t'écoute. Allez. Le chrono est sorti. Ludivine, souffle de Mexico. Mexico, Mexico. Ouah, tu nous as fait le même là. On est sur du 4 secondes. Ah, 4 secondes, ça va être super simple à battre, Timmy. Tu fais plus de 4 secondes et tu prends la main. Je pense que ça va être difficile. Hein. Allez, mais vas-y. Non. Ah, non. Ça va être simple. 4 secondes. Vas-y. Mexico, Mexico. Combien? 8 secondes. Bougez okay. Pas, Timmy, tu prends la main. On joue après Alvaro Soler sur Fun Radio. Va causando impresión. Cada día cuando levanta, brilla como el sol. Su vestido de seda calienta mi corazón como en una novela en la televisión. Necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Creo que mi cintura choca con mi cultura, tropiezo con la arena, ya no me puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, y así está el amanecer. Porque mi cintura necesita. Voy a aprender a controlar mi cintura. like your body. You're so gorgeous, I can't ignore you. I drink your agua, did I say water? See, mommy been like, I need ocean water. Right next to me, ecstasy, your hips caressing me. I came to dance with your girl, come and dance with me. Voy a aprender a controlar. Fiesta, fiesta, you ain't gotta be solo. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando. Bonne soirée sur Fun Radio, où que vous soyez en ce moment. Bonsoir à Tournée, à Liège, à Arlon, du côté de Namur, à Mons, tous les autres. Venez nous parler, 02 851 4x0. Rejoins le mouvement. Mike, jusqu'à 23h sur Fun Radio. Et voilà, je subis encore. Lorenza se fout de ma gueule. Mais j'adore, je te taquine. Hein. C'est pour. Yeah. Tu vois bah, très allez, bien. Je oh te laisserai là toute seule dans ta gênance la prochaine fois que tu seras à manger. Oh non 02 851 4x0 pour réagir à cette émission, les amis. Le 3044, c'est pour nous envoyer des SMS. Le Facebook, c'est Mike sur Fun Radio. On va écouter dans quelques instants le son de Moziman avec Kali. Il y aura Martin Garrix aussi. La voyance en direct avec Alex D qui se prépare. Donc si vous avez une question, c'est le moment ou jamais pour la poser. C'est la dernière de la semaine avec Alex D. Qui a laissé sa radio ouverte? C'est Timmy ou c'est Ludivine? C'est Timmy. Ah, hey, coupe la radio. La radio hein, mec. Sinon, on s'entend en écho et tout, c'est une galère. On l'avait pas eu depuis la rentrée, tiens, l'auditeur qui a laissé la radio derrière. Timmy, 26 ans, t'es à BX. Oui. T'as pris la main il y a quelques instants. C'est toi qui vas jouer face à Ludivine qui est toujours là, 27 ans à Mons. Oui. Ok. Nous allons jouer au buzz de la cinquième question. Je vous explique le principe. Donc, Timmy va prendre la main. On continue avec toi Timmy, on progresse doucement mais sûrement tant que tu donnes la bonne réponse, d'accord? On ne change pas, si tu te trompes, je poserai la question à Laetitia. Et seul, celui ou celle qui répond correctement à l'ultime et cinquième question deviendra le boss de la soirée et deviendra le maître du monde. Pardon. Ce rire maléfique. Excusez-moi. On y va? C'est compris? Pas trop là. Allez, on joue. Timmy, dis-moi au cinéma comme en littérature, quelle est la nourriture préférée de Dracula? Le sang. Oui, c'est une bonne réponse. Donc, vaut mieux pas lui présenter Brigitte Bardot. Il n'y a plus de sang qui circule dans la personne. Deuxième question. C'était gratuit, oui, complètement. Oui, c'est gratuitement. Cite-moi un animal qui commence par la lettre B. Baleine. Oui, j'acceptais aussi Brigitte Bardot. Non, pardon, je parlais des animaux vivants. Attention, quel objet? Troisième question, la statue de la liberté tient-elle dans sa main gauche? Comment on appelle ça? C'est un feu? Non, c'est pas ça. Je sais pas. À toi, Ludivine, quel objet la statue de la liberté tient-elle dans sa main gauche? Un flambeau? Non, l'autre main. Timmy. Encore une fois la question. C'est un truc qu'on n'a jamais ouvert dans l'émission. Ouais. Ludivine, c'est à toi. Quel objet tient la statue de la liberté dans sa main gauche? Un truc qu'on n'ouvre jamais, nous. Un livre. Voilà. Ouais, bien joué. Ah oui. Tu connais. Oh, mais... oui. Ludivine, quatrième question. C'est avec toi. Dans une fable de La Fontaine, quel animal tient dans son bec un fromage? Le corbeau. Oui, c'est une bonne réponse. Je me permets juste de dire que j'ai encore jamais vu d'oiseau tenir un fromage. Monsieur Lafontaine, permettez-moi de vous dire, mais vous êtes un gros con. Voilà. C'est mon analyse. Et c'est, on arrive à la cinquième question. Je suis choqué. Cinquième et ultime question avec toi. Tu réponds correctement, Ludivine. Il y a du cadeau Fun Radio pour toi. Combien de billets d'euros différents existent-ils? Je te laisse 5 secondes pour répondre. Combien de billets d'euros différents existent-ils? 5. Non. Timmy. Oui. Combien de billets d'euros différents existent-ils? 6. Ah, il essayait de compter, mais pas assez rapide, c'est pas 6. À toi, Ludivine, on va y arriver forcément. 7. C'est une bonne réponse, ouais. Ludivine. Tu deviens la boss de la soirée, c'est gagné. Bravo, Ludivine. Quelle prestation, quelle performance de Ludivine. Bravo à toi, ma chérie, on va dire du cadeau, ok? Mais Timmy, t'inquiète pas, t'étais doué aussi. Hein. Oh, franchement, Timmy, t'as beaucoup sur la dernière question. Hein. La dernière question était un peu relou, j'avoue. Ah ouais, c'est vrai. Ah, une prochaine fois, t'inquiète. Hein. On te gère quand même du cadeau, ok? On va dire un petit truc pour consoler. Ok. Bon, salut Timmy et salut Ludivine. Merci, bisous là. Les amis. Gros bisous. Salut la famille. Bisous, merci. Vous revenez quand vous voulez dans l'émission, ok? Ouais, merci beaucoup. Est-ce que je peux faire un petit salut? Ouais, vas-y, fais ta dédicace alors, mon pote, vas-y. Je vais faire un petit salut à mon petit frère, il est là en train de m'enregistrer, il s'appelle Nderim, mais lui aussi on l'appelle Limi. Eh ben, big up à Limi! Salut Timmy, salut Limi, salut Ludivine, gros bisous les amis. Salut. Merci beaucoup les gars. On continue, connerie à la radio sur Fun Radio, voici Mosim. Another day, another life. You're the one, I watch your eyes. Let me love you. You're what I like. Oh, oh. Whatever you do, I got all. Ain't I'm coming for ya. California. Oh, wherever I go, I know. Ain't I'm coming for ya. California. My California. Coming for ya, California. Stop à la déprime. Stop. Mike, le soir, sur Fun Radio. 22h44, fini les soirées galères à se demander quoi regarder à la télé. On est là pour vous occuper avec Radio Simone, qui sera là tout à l'heure, mamie Simone, pour terminer la semaine en beauté. Comme d'hab, on va la retrouver juste avant l'émission de Davy tout à l'heure, le Tout est possible, qui arrive dans un petit quart d'heure, aux alentours de 23h sur Fun Radio. Vous pouvez aller cliquer sur like là, sur la page Facebook, et nous envoyer tous vos messages en privé. C'est Mike sur Fun Radio. On va écouter Martin Garrix dans un instant, et là, on se fait la voyance en direct, Lorenza. Ouais, c'est parti. On y va, Alex est là. Il est là. Bonjour Alex. Bonsoir Alex. Voyance en direct. 02 851 4x0. Mike sur Fun Radio. T'as vu Alex, on a les grands moyens. On a le jingle. Enfin, après ça. Sûr, il est content. Ça m'épate, hein. Ah. C'est la classe. Tu as ton jingle sur Fun Radio, Alex. On rappelle ta page génial. Facebook, Alex D. Coach de vie. Et j'ai l'impression qu'il se fout un peu de ma gueule en disant génial. Non, je te jure. Ouais, il est content. Non. Il est content. J'avais l'initiative et j'adore. Alors, vous pouvez évidemment poser vos questions à Alex qui est là pour ça, pour répondre à toutes les questions que vous posez sur votre avenir sentimental, personnel, professionnel. Ouais. Le numéro Lorenza. 02-851-4x0. Et souvent, on nous demande, quand on croise des auditeurs la journée, quand on parle de toi, on nous demande, mais comment tu fais? Et bah, tu as plusieurs solutions. Tu utilises les vibrations dans la voix, Alex? Oui, les vibrations dans la voix. La date de naissance, les couleurs, le tarot qu'il a fait lui-même. Exactement, vous savez tout de moi maintenant. Et les chiffres aussi. Et les chiffres. Alors, Alex, on va y aller. Il y a du monde pour toi au standard. Il y a qui est là, Coco? Marcelo. Marcelo. Marcelo. Oui. Ça va, Marcelo? Ça va et vous? Bah ouais, super. Tranquillement. Bienvenue dans l'émission, Marcelo. Félicitations pour le prénom. Merci. Marcelo. Bah c'est stylé, Marcelo. Bah, c'est cool. Ça ouais, fait un peu italien, ouais, comme ça. T'appelles de quel endroit, Marcelo? J'appelle de Charleroi, là. Ah, Charleroi. Big up à Charleroi. Très bien. Alors, Marcelo, t'avais une question à poser à Alex. Une question d'amour, c'est ça? C'est toi qui nous as envoyé un message au début de l'émission, là. C'est ça. Question voyance, ouais, en je fait, bon, ben, bah, j'étais avec une fille et voilà, aujourd'hui, apparemment, c'est terminé. Je voudrais savoir ce qui va en être avec elle, en fait, s'il y a des possibilités de retour ou pas. T'es resté combien de temps avec cette fille? Je suis resté 8 mois. Ah, et ouais. Pourquoi ça s'est fini? C'est elle qui a cassé? Ben en fait, le problème est qu'apparemment, je compte toujours pour elle. Elle est amoureuse, d'après ce qu'elle m'a dit la semaine passée, mais... Mais c'est pas le moment. Parce qu'elle dit qu'on ne peut pas avancer, continuer comme ça. En vous fait. Êtes relou. Mais continuer comment? La relation ne lui convient plus. Elle t'a pas donné de raison. Donc elle fait un break, c'est ça en fait? Ben en fait, elle m'a donné la raison que, malheureusement, j'ai un peu jugé sur ses erreurs passées. Ah. Donc, voilà. D'accord. Okay. Alors Alex, justement, j'allais venir parce que je sens une rancune par rapport à ton ex et elle tient tête vis-à-vis de ça. Elle a perdu confiance dans la relation et elle a pu avoir des attitudes un petit peu de possessivité envers toi. Est-ce que ça a été le cas? Oui. Oui. Pour moi, quand vous avez démarré la relation, dans les premiers mois, il y a déjà eu quelques difficultés où tu as eu des maladresses qui ont fait que, à ce moment-là, déjà, elle était dans une remise en question, mais pas vraiment dans une prise de conscience parce qu'elle était encore submergée, par ses sentiments. C'est ça. Son prénom, c'est Judicaël. Judicaël. C'est original. Marcelo et Judicaël. C'est ça. Si vous vous mariez, il va falloir prévoir une feuille A5 pour le... La mort. Marcelo, ta date de naissance, c'est celle de ton ex? Moi, c'est le 16 janvier 1989. Oui. Et elle, c'est le 6 octobre 1996. Alors, il y a aussi une influence extérieure, soit un entourage d'amis à elle qui n'ont pas aidé, à un moment donné, qui ont été un petit peu... qui ont été dans son sens de tout ce qu'elle pouvait te reprocher ou quoi que ce soit. Donc ça n'a pas aidé du tout. Hein. Oui. Et il semblerait qu'aujourd'hui, elle a peut-être une vue sur quelqu'un ou elle a peut-être redémarré une histoire. Mais elle est passée à autre chose. On dirait qu'elle est... Oui, elle est peut-être partie sur autre chose. Mais en tous les cas, cette histoire n'est pas amenée à durer. C'est comme si elle devait se prouver à elle-même qu'elle est capable d'aimer quelqu'un d'autre et aussi de mener une vengeance par rapport à ce qu'elle veut te faire payer. Vous D'accord. allez ensemble passer une phase un petit peu de silence, de stand-by et tout ça. Il y a effectivement cette rupture qui s'annonce et qui est là et qui reste encore un petit peu, dans son empreinte. Mais oui. À partir d'ici 3-4 mois, il y a un changement qui s'annonce et il y a des contacts à nouveau qui devront se faire. La seule chose, Marcelo, il faut faire attention. Comment toi, tu vas t'y prendre avec elle et comment tu vas, amorcer les choses. Prends un peu de recul par rapport à ça. Ne sois pas direct à fond dès qu'elle va revenir, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, sois pas trop envahissant. Laisse-toi un peu désirer. Ouais, fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te suis, quoi. Fuis-moi, je fuis. Le truc de fou. Exactement. Bon, bah, c'est plutôt cool quand même. C'est bon. Enfin, c'est plutôt cool. Oui, non, va falloir que tu sois patient, Marcelo. Voilà, c'est ça. Et ouais, oppresse pas trop, vraiment. Bah, laisse-la respirer et franchement, on te souhaite du courage. Mais il faut que tu laisses le manque s'installer aussi, voilà. Parce que si t'es là à la stalker, à la harceler de messages, forcément, on va se dire c'est un gros relou et tu lui manqueras jamais. Donc, laisse le manque s'installer. Prends un peu de recul comme Alex te l'a dit et tu verras comment ça se passe. La prédiction d'Alex sera vraie, tu verras dans quelques mois. Ouais. Ok, tu nous rappelles, tu d'accord, nous diras quoi, d'accord? Ouais, c'est vrai, on veut être tenu au courant. Hein. Salut mon pote. Salut Marcello. A bientôt, allez, Marcelo, salut, dans l'émission. Bisous la famille. 02-851 4x0. Qu'est-ce qu'on fait parce qu'il est 22h50, Coralie? Il y a Angélique qui est là pour Bon, bah, on va prendre Angélique. Allô Angélique. Allô. Ça va bien Angélique? Bonsoir. Coucou. Ça va, oui, merci. Bienvenue dans l'émission Angélique. Tu avais une question à poser à Alex? Oui. Ça concerne quoi? ça concerne le travail. Tu travailles dans quoi, toi, Angélique? Je suis vendeuse. D'accord. Okay. Dans un, tu vends quoi? Vendeuse en animalerie. Bon, bah ne bouge pas. On en parle après Martin Garrix sur Fun Radio. Allez, bonne soirée sur Fun Radio Simone dans un instant. Il est 22h53. Alex, tu bouges pas? Je bouge pas. On revient pour la suite de la voyance en direct. Dans moins de 3 minutes, c'est le retour des délires. Jusqu'à 23h, Mike sur Fun Radio. Vendredi sur Plug RTL, Jane de Virgin. Quand on perd sa virginité, on ne peut plus jamais la récupérer. Suite à une petite erreur médicale, Jane tombe enceinte. Problème, elle est toujours vierge. Mais j'ai jamais couché avec quelqu'un. Tu es Immaculata. Découvrez l'immaculée contradiction. Jane de Virgin, c'est vendredi à 21h50 sur Plug RTL. Le Plug RTL. The bad girl wicked. Anyway, me dem me make the man tan sick. Dem a mad of a bambi, dem wan give me dicky. Nazaki black and Jane at the club. The one and as girl fi one by the dicky. Light up the oak and drink some rum. Link up the girl, dem fi get some fun. And we make the girl, dem giddy man bun. And look around the place, Gigi London. On est où là? Pour une paire de fesses, nous on trahit pas les nous. On est où là? Nous n'encaisse le baiser, on trahit pas les loups. Oh, yes, alléluia. Ouloulou. Ouloulou. Nous on pose des bouteilles, équilibré. Nous on veut que l'oseille, équilibré. À quand le jour de la paix, équilibré. En vrai, on s'en bat les couilles, équilibré. Done freaky. Equilibre. Them have to wine for the dicky. Equilibre. Throw them fire like the city. Equilibre. Les femmes, non, c'est trop tôt. Et les belles filles, si on dit moi, zogo.